Cette semaine au collectif, on parle de science et jeux. Nous accueillons notre premier invité spécial et je fais un retour sur ma manette dorée, Oulu Touraman. Place au podcast! Mesdames et messieurs, bienvenue au Geek Collectif, cinquième épisode aujourd'hui. Mélanie, Milter, Eric. Hey, ça va? Bonsoir. Ça va bien? Salut. Vous très bien. On jurerait qu'on s'est parlé il n'y a pas longtemps. Ah, c'est ouais. Si récent. Émission 5.035. 5.035 et 3 quarts. Donc, cette semaine, on a implanté une partie du projet qu'on avait parlé depuis le début. Dans le fond, on a toujours dit qu'on ferait une interaction avec le groupe et le podcast. On a dit que s'il y avait des gens qu'on jugeait qu'il y avait une expertise pertinente, qu'il y avait des choses à nous conter, qu'on les inviterait derrière le micro. Donc cette semaine, on a invité avec nous notre premier invité. Ça sonne boboche, ça. Donc Nicolas dénommé Nick, bienvenue. Bonjour, soir. Bonsoir, oui. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien, toi? Toujours un honneur de vous écouter et de participer ce soir. Je te sens fébrile. C'est beau, Nick, t'es pas payé. Hein, tu peux... ouais, t'es pas payé, puis c'est surtout, t'es l'invité, mais on s'invite chez vous, puis on boit ta bière. Je mange mes olives. Puis on mange tes olives. C'est notre nouveau concept maintenant. C'est cool. J'avais hâte de participer. Ben écoute, merci de nous héberger ce soir. À tous les épisodes à cette heure, on va chez quelqu'un puis on mange sa bouffe en enregistrant chez eux. Ça serait pas pire. Les coûts de production, ils baissent pas mal. Moi, je suis sûr que TVA signerait ça pour un an au moins de partir. J'ai là, même mis mes pantalons jaunes pour l'occasion. Effectivement, donc les gens qui sont sur la diffusion simultanée sur les internets, ils ont peut-être ont vu les pu pantalons voir jaunes. Les pantalons jaunes d'Eric. Eric? Non, moi j'ai des jeans. Mais j'ai une chemise mauve. Nick. Eric? J'ai dit Eric. Donne-moi ta bière. Ben, moi je suis prêt à dire que ma chemise mauve, elle irait quasiment aussi bien avec ses pantalons. Ben, je pense que t'as des pantalons mauves de même, si je ne m'abuse. Hein? Non? Non? Des bleus royaux, des rouges. Oh. Pardon. Bleu royal. Un arc-en-ciel de pantalon. En fait, Nick est allé chez Stitches et il a ramassé tous les pantalons qu'il a vus. Toutes les couleurs sont saumon. C'est une marque South Pole. Ah, c'était pas ça qu'il y avait des grosses poches puis des. Ouais. Grosses poches. Non, commence pas, toi. Nick, j'ai préparé quelques mots pour les gens qui ne te connaissent pas aussi bien que nous. Nick, tu es un des. Hey, je me sens comme Guillaume Lepage présentement. Nick, tu es un des membres fondateurs du groupe Facebook. Oui, bien sûr. Donc, quand on a parti le Geek Collectif, en groupe Facebook, tu étais un des premiers à être là-dessus. Mm-hmm. Je pense que tu as suivi à partir du groupe de marde, c'est bien ça? C'est ça. Moi, le groupe de marde, c'est Milter qui a parti du groupe de marde. Une erreur de parcours. Ensuite, hey, tout le monde. André a parti de Geek Collectif, puis ouais, tu m'as ajouté comme dans les premiers membres, j'étais... Je suis là depuis le début. Puis toujours aussi actif. Puis toujours, écoute, plusieurs projets en cours, de courts et longs métrages, en fait, qu'on a fait ensemble. On a fait des petits films pour Internet. On a fait un long métrage transfert, dont probablement personne n'a vu. Mais on vous invite à aller l'écouter si vous avez 45 minutes. Ouais, il est sur Vimeo, je pense. Ah, on mais est les hipsters, les deux. Vraiment hipster, yeah, là, sur exactement. Vimeo. Puis nous autres, on est vachement hipster. Ouais, mais ça, je l'ai suivi. Donc, Vimeo. Massacre. Oui, c'était Massacre, effectivement. Même, ouais, j'ai vu ça, il y a des beaux photoshoots de ça, je me trompe pas. Oui, c'était le fun de faire ça. Ça nous avait pris quoi? 15 un minutes. Non, on avait eu un an. Non, il était dedans, sérieux. Le groupe Massacre. Avec le montage et tout, ça a pris, je pense, un an. Ouais, je pense que c'était un an quelque chose. Y'a-tu du sang? Il y a du sang et du sang, la pisse. Il y a un peu de pisse. Oui. Oh, okay. Très important. Les deux facteurs d'influence. André et moi, on a à cœur de faire un jour le film du sang puis de la pisse. Je pense que je l'ai vu ton film. Par exemple, c'était-tu, vous étiez trois dedans. Tu m'avais montré de quoi à un moment donné, genre une survie dans un entrepôt. Oh, ça, c'était l'enragé, ça. C'était un autre de tes films, ça. C'était un court-métrage. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est lui que j'avais vu. Tourné dans la vieille brasserie d'or, pleine d'amiante, qu'on a découvert la dernière journée de tournage. Pleine d'amiante puis du squatter au dixième. Ouais. Ça, c'était génial. C'est bon, ça. Nick, c'est bonne histoire. T'es également. Moi, j'ai marqué que t'étais un provocateur sensé. Provocateur sensé voulant dire que t'as toujours... C'est des beaux mots. Oui, c'est des très beaux mots, effectivement. T'as toujours le don de démarrer des conversations. Tu dis des choses qui vont faire susciter l'interaction des gens. Il brise la glace. Réagir. Des fois, c'est un peu déplacé, des fois moins, mais j'aime quand le monde réagisse avec des propos, des fois, niaiseux. Mais ou déplacé parfois. Ou déplacé. Moi, je comprends complètement le sentiment de ça. C'est voir la réaction des gens. C'est, des fois, c'est de quoi que tu en dedans de toi. C'est trop fort. Ouais, faut que tu sors la réaction. Ce qui est drôle, c'est pas méchant, mais tu sais, je vais comme pas insulter nécessairement le monde, mais tu sais, leur... j'aime ça. Ben, tu brises la glace de façon brutale. Ouais, tu leur fais savoir que t'es là. Quelqu'un va parler, je vais lui dire ferme ta gueule. Juste pour voir comment est-ce qu'il va agir. C'est là qu'on voit que peut-être que la conversation s'arrête là. Quelle belle façon d'ouvrir une conversation. Quelqu'un parle, tu dis « ferme ta gueule », puis on part de là. On build up à partir de là. Il est un peu le pionnier de la conversation à Call of Duty au Xbox. Pour fuck you, you ouais. Fucking noob! J'avoue. Non, fuck you! C'est ça. I like you, hein. What's up? Mais Nick, dans le fond, t'es un troll, mais dans la vraie vie. Ouais. C'est comme quotidiennement. Il accepte bien. Tu trolles. Ouais, moi, ferme ta gueule, ça sort à tous les jours, il y en a plusieurs. Hein, mais surtout pour les gens qui te connaissent pas, t'es également une référence. Puis écoute, même encore aujourd'hui, ça fait 6 ans, 7 ans qu'on se connaît. Puis t'es une référence sur les films weird et étranges que. À peu près 90% de monde n'ont pas vu. Peux-tu rajouter de quoi à ça? Tu dis 6-7 ans, j'allais au secondaire avec Nick, puis il était une référence dans ce temps-là. Hein? Il y a 15 ans environ. Il ne donne pas sa place non plus dans les films étranges. D'ailleurs, on s'en parle, puis des fois, on parle de films qu'on est les deux seuls à avoir vus, ouais. Ou les deux seuls à avoir aimés. Ou entendu parler d'eux, même des fois, rendu là. Oui, j'essaie de me tenir au courant de ce qui se passe. Mais effectivement. C'est ça, les films vraiment comme qui sortent out of nowhere. Puis c'est un peu pour ça que tu vas être avec nous aujourd'hui, mais qu'on parle du sujet officiel de l'épisode un peu plus tard. Qu'on va arriver à. Mais en gros, j'ai écrit ça, puis j'ai rajouté une petite ligne, puis je veux vraiment pas qu'on déborde, mais il fallait en mentionner. On dirait que je parle d'expérience parce que celle-là pourrait susciter un débordement, mais ben là, j'ai marqué que tu étais un grand fan du groupe Tazar également. Ben, qui ne l'est pas? Ben, effectivement. Écoute, c'est le futur. C'est le futur des réseaux sociaux. Patrick Lafrance, un génie. Eh boy. Ouais. Un génie schizophrène, mais un génie quand même. Ben, écoute, ce gars-là, au moins, honnêtement, puis regarde, toi qui suis le mouvement Tazar depuis le début, on va éclaircir quelque chose ensemble aujourd'hui. Est-ce que Pat Lafrance est un troll ou Pat Lafrance est vraiment juste un schizophrène? Moi, j'espère qu'il est attardé mental parce que si c'est un troll, ça va comme. La joke va arrêter là. Ouais. Mais j'espère que c'est un attardé mental parce que. Ça fait tellement longtemps qu'il l'est tiré que. Ça continue encore. Non, c'est. Mais pas trop. Mais ça peut pas arrêter de même. J'espère que c'est pas un troll. Là. Ok. Parce que si c'est un troll, on s'est fait niaiser pendant 2 ans. Wow. Il y a plus que ça. Je suis membre de son groupe. Là. Je demande là, on est 4 des fois à chatter. Je pense que moi puis c'est 3 robots. Puis je pense que tu connais Super Tazar aussi, hein. Ouais, Super Tazar, ouais. C'est on a jasé un peu ensemble puis okay. C'est un bon gars. C'est un bon gars. Il y avait Sam Morgan, là, on n'entend plus parler. Lui. C'est non, c'est hein. C'est Morgan, c'est vrai. Ou Morgan. Morgan. C'est son chanteur officiel, il avait chanté le il y avait une tune thème Tazar, ouais. Il a comme disparu d'après moi, il faudrait demander à Pat, peut-être qu'il a sorti l'album de Sam Morgan. Ben, écoute, ça serait bien de le savoir. Ce qu'on va faire maintenant, Nick, c'est qu'on va perpétuer la tradition de 4 épisodes, 4 beaux gros épisodes au complet, dont un perdu avec de l'écho. Oui. On va faire un tour d'actualité, on va faire un tour de table pour savoir un peu qu'est-ce qui a marqué les collaborateurs cette semaine. Puis je vais t'inviter à interagir avec nous autres. Si tu as un grain de sel à mettre ou tout simplement un commentaire déplacé, ne te gêne pas, interagis avec nous. Mélanie, cette semaine, qu'est-ce que tu nous présentes, toi? Ok, excusez-moi, j'ai été pris au dépourvu. Pas de problème, ça m'arrive souvent. Oh. Alors, moi, cette semaine, je vais parler de... C'est allé d'une direction que j'anticipais pas. Oui, ah, ben, c'était spécial. Avec ton regard. Alors, moi, j'ai découvert la semaine passée un channel YouTube qui s'appelle Vsauce Tree. Tree comme un arbre ou trois comme un chiffre? Okay. Trop comme le chiffre, okay, là, mais deux... c'est le tree québécois, là. Okay. Tree ou tree, c'est le gars. Three. C'est un channel écologique. La langue des dents, là. Three. Fuck you all. Wow, vous accrochez avec ma langue. Non, okay? Non, mais je voulais savoir si tu allais me parler d'un channel d'écologie. Non, comme toute bonne québécoise, mais comparé à d'autres mots, je parle mieux que d'autres québécoises, donc. OK, on s'excuse, on voulait pas de channel. C'est pas ça. Excusez-moi, je vais prendre un peu plus d'eau. Donc, okay, on va faire. Vsauce 3. 3, ok. 3. Ok, so, 3. Ça mange quoi en hiver? C'est un channel d'un gars, en fait, que j'ai découvert, qui mélange jeux vidéo et science. Donc, si je peux m'exprimer plus dans les détails, c'est. Mettons, je vais prendre un exemple. La vidéo que j'ai vue, la première vidéo que j'ai vue, c'est. Il fait la recherche que. Excusez-moi, mon Dieu, j'ai comme été mêlée. Il fait la recherche combien une pièce dorée dans Mario Bros pèserait dans la vraie vie. Combien ça vaudrait en plus? Combien ça vaudrait? Les gros gold coins, combien ça coûterait? Combien ça vaudrait dans la vraie vie? Donc, lui, il fait cette recherche-là par rapport... il compare plusieurs choses. Il compare la taille de la scène. Il compare... combien ça vaut? Il dit, bon, mettons, bon, on sait que 100 cents, ça vaut 100 gold coins, ça vaut une vie. Mais combien vaut une vie? Donc là, il va faire plein d'études puis de recherches par rapport à ça dans son vidéo pour en venir en bout de ligne qu'une gold coin dans Mario Bros, ça vaut 79 000 dans la vraie vie. Attends, 79 000 piastres, une ouais. gold coin dans Mario Bros. Une. Chaque somme. Comme... Fait... Mais grosse, quand même. Ouais, parce qu'il compare. Mario, oui, c'est ça. Ouais. Il va aussi comparer la grosseur de Mario avec les gold coins. Il dit, OK, ben Mario est grand de même, puis la gold coin est le double de lui. Donc, combien ça vaut? Mushroom ou avant Mushroom? Ce qui double en taille, là. Je vous dirais que ça peut être relatif. Ouais, puis si on parle de New Super Mario sur le DS, ça fuck toute l'affaire quand il est comme la grosseur de l'écran, là. Ouais, oh, j'avoue. Les gars, vous dérapez encore une fois. Non, mais lui, c'est comme le Mythbusters. Le Mythbusters du jeu vidéo. Ouais. Est-ce que exactement. Je pourrais interpréter tout ça puis dire le Myth Creators, juste de même? Ouais, en fait, il fait plusieurs choses. Oui, ça m'intrigue. Par exemple, je pense que je vais aller voir une couple de vidéos. Non, c'est bon. C'est vraiment intriguant parce qu'il parle aussi, bon, il parle du gold coin, il parle aussi, j'ai ici des exemples, attendez un instant. Ouais, ça, mais c'est juste sur YouTube, là, c'est pas, y a pas de show TV avec ça. Non, c'est vraiment sur YouTube. Le gars, il fait juste des vidéos. C'est pas juste ça qui fait son channel, mais c'est très connecté aux jeux vidéo. Moi, je veux voir. Mais c'est pas juste des ça. Portals. Il fait Science of Sonic the Hedgehog aussi. Il fait How Much Is Our Mario's Coins Worth. Il parle aussi de Could Claw's Sword Be Real? Donc, son épée de Cloud dans Final Fantasy VII. Ben, elle peut être vraie, mais ça me surprend. Est-ce qu'elle pourrait être vraie parce que la grosseur qu'elle a, le poids qu'elle aurait. Donc, il fait de la science par rapport à ça. Donc, il y a plein de petites vidéos très intéressantes face à ça qui expliqueraient si on mettrait ces principes-là dans la vie tous les jours, si ça pourrait être possible, si ça pouvait être... Ben, ça a l'air vraiment cool, ça. Oui, c'est vraiment intéressant. J'ai vraiment aimé ça parce qu'il fait beaucoup de comparaisons avec plein de choses. Mais il y en a beaucoup des vidéos? Il y en a juste trois plein. Il y en a beaucoup de vidéos, mais par rapport aux vidéos... Il y en a beaucoup de vidéos, mais par rapport aux jeux vidéo, il y en a peut-être une dizaine. Non, mais je vais checker les autres affaires aussi. Environ, je sais pas, je les ai pas toutes vues pour être honnête parce qu'il y en a beaucoup. Mais allez voir ça. Les plus récents, c'est comme aussi, ils parlent d'une Pokéball Bra, combien qu'elle vaut dans la vraie vie, tout ça. Ça, honnêtement. Ah, on le sait. Ouais, André, je sais, on sait ça. Pokémon puis brassière. Ouais, deux choses que t'aurais jamais pensé voir ensemble. Et non, de s'en douter avec les générations qui vieillissent. Il y a aussi un vidéo spécial qu'il a fait sur. Les glitch humping et les morphling, what the fuck. Oh, t'as peu. Glitch humping. Il ouais, y en a un dans Donkey Kong, apparemment, qui hump un rhinocéros. Ah ouais, mais qui a juste l'air de ça. Ouais, mais en tout cas, c'est un glitch, apparemment, que lui a vu, puis il les a filmés, puis il les présente dans son vidéo. Donc, il y a vraiment beaucoup de vidéos intéressantes par rapport aux jeux vidéo. C'est qu'il y a beaucoup de glitch avec du humping. Ouais, il a trouvé ça apparemment. Je vais aller voir et ça. Et more video game what the fuck. So, il y a d'autres problèmes. Ah, ça a l'air cool comme channel. Ouais, écoute, non, merci pour la c'est vraiment intéressant. Ça, donc, je vous conseille d'aller voir ça. C'est Vsauce 3. 3. C'est nice. Vsauce 3. Vsauce 3. Vsauce 3. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Nick? J'aime ça à sauce. T'aimes ça à sauce? La à 3. À toi, ah, toi, sauce. Yeah. Non, mais c'est cool. Pareil, ça a du potentiel. Merci beaucoup, Mélanie. Pas de problème. Toi, mon Rick, ça se passe de bon avec toi? Mais en parlant de humping, une fois encore, je suis capable de faire une bonne transition. Quelle bonne transition! On jurait là, que tu maîtrises la situation. Ouais. Tu maîtrises le segway vers un autre sujet. Bon, j'étais allé à Saint-Sauveur dernièrement. C'est drôle, on dirait que j'ai déjà raconté tout ça. Puis, c'est comme déjà vu. C'est comme du gros déjà vu fou. En tout cas, une belle motel à Saint-Sauveur, vraiment cheap. Attrape à Groupon, que je suggère contre Groupon. Des fois, ils ont des attrapes LED. Là. T'aimes pas Groupon ou t'aimes Groupon? J'aime pas Groupon. Si tu veux un safe bet à Saint-Sauveur, honnêtement, le manoir, c'est toujours Groupon. Un safe bet. Ouais, c'est cher, mais c'est un safe bet. C'est une longue histoire. C'est quand on s'est rendu là. C'est quoi Groupon? Ouais, vous non plus. Groupon, c'est la grosse folie d'Internet en ce moment où tu es capable. C'est un exemple. C'est genre YouPorn? Non. Non, c'est un Groupon. C'est des coupons, des forfaits spéciaux sur plein d'affaires. Des bijoux, des. C'est des gens qui achètent en groupe. Fait que par exemple. Pas tout le temps. Fait que tu pars en voyage avec 18 nowhere. Mais pas tout le temps, t'as des... Non, Groupon, il y a aussi des coupons. Que tu connais pas. Ouais, ouais. Mais Groupon, il y a aussi des coupons qui sont des attrapes. Par exemple, l'hôtel que je nommerai pas, la motel, excuse, il y avait une belle photo d'un spa. Puis quand on est arrivé là, on a appris que le spa, il était à 10 km de loin. Puis tu sais, c'était des arnaques okay, ouais. Weird comme ça. Mais tout ça pour dire qu'il y avait du câble, il y avait une... On regardait ça sur la télé. Puis il y avait le câble local. Il y avait la chaîne labelée adulte que j'ai appris, c'était, je me sens weird de le répéter, mais c'était Movie XS. Movie XS. Que le jour, ça joue des bons films, séries. C'est comme un genre de super, pas super écran, mais... Ça fait partie de Movie Network. OK. Fait que t'as Movie Network, Movie Network 1, Movie Network 2, Movie XS. OK, arrête de faire ta tease, qu'est-ce que t'as écouté? Bon, j'ai écouté, la parenthèse avant, par exemple, c'est okay. Que quand j'étais kid, je trippais ma raide sur Baywatch. J'ai tombé sur le premier par accident à cause que mon héros de Knight Rider, il était là. Ou comme qu'on dit au Québec, c'est pas Kit Bibit 2000, quelque chose comme ça. K2000. Ouais, en tout cas, dans le vrai monde, ça s'appelle Knight Rider. Puis ça, c'était avec David Hasselhoff, puis j'ai vu la télésérie de Baywatch. Michael Knight. Baywatch, ici, on appelait ça comment? Alerte à Malibu. Oh my God, OK. Traduction de mort. Alerte à Malibu. En tout cas, j'écoutais Star Trek peut-être en même temps, je jouais des jeux vidéo, puis je tombais sur ça le soir. Ce qui est cool, c'est que j'ai appris que j'avais des grosses boules. Tu remarques-tu que, là, considérant la thématique du podcast, tu viens de faire une justification inversée? Oui. Tu sais, là, t'as fait comme... J'écoutais Baywatch, mais non, je jouais à des jeux vidéo, puis j'écoutais Star Trek pareil. Dans la cave à cacher. Armand, vous le disais, t'aurais fait le contraire. Tu sais, c'est comme, ah, là, j'écoutais Star Trek, mais non, j'écoute Alerte à Malibu pareil, ouais. Puis il y en a pas de problème. C'est vraiment cool, là. Mais de toute façon, sur Movie Access, tard un soir, avec ma femme endormie, j'étais en train de bretter les chaînes, j'ai tombé sur Beach Heat Miami, qui était tout ce que j'ai aimé de Baywatch, mais plus le sexe et la nudité qui suivait le drame incroyable. Qui manquait dans Baywatch. Qui manquait. Dans le fond, c'était ce que le monde voulait voir de Baywatch, mais sans Baywatch. Puis, je vais ajouter, Baywatch avait des mamelons, par exemple. Les mamelons, là, des fois, ils glissaient. Ouais, mais ils étaient rouges. Avec la bathing suit. Là. Écoute, y a-t-il encore de l'action de plage là, qui coupe et qui sauve le monde? Oh, attends, c'est okay. De l'action de plage. Non, mais de l'action de plage. Beach action. Tu es juste rendu du beach. Non, t'as la chef. De... Hey, mais attends, mais là, il vient de me faire penser à quoi, lui? S'il y a bien une des pires places où tu vas avoir un coït. C'était à la plage. C'était à la plage avec tout le sable qu'il y a là. Ah, oh, mais c'est pour ça que je pensais que c'était peut-être la vie des personnes qui sauvent le monde à la plage, les lifeguards, mais. Genre le soir, leur vie est mais il y a beaucoup de sensuelle et tout. Là, mais dans les deux lignées d'histoire que j'ai vues, parce qu'ils ont joué une après l'autre, il y a toute une saison. Sur IMDb, ça a l'air que. Attends, il y a une saison de films porno. Il y a une saison, c'est une TV show. Ouais, c'est une télésérie, c'est pas un film. Quand tu dis qu'il y a du sexe, c'est vraiment. On voit tout. On voit absolument tout. C'est pas comme les films japonais où il y a un pixel. Là. Non, on voit des pénis. C'est pas plus une nuit non on voit du mangeage de pénis. On voit de la pénétration de pénis. On voit des pénis entre deux seins. De la pénétration de pénis. Deux pénis qui se rendent dans l'eau. On voit des pénis dans la bouche. Ah, j'avoue que pénétration de pénis, ça sonne weird. On voit une qui a deux pénis dans les mains. Il manque juste les cum shots. Dans le fond, c'est quasiment... Les money shots. Les money shots, ouais. C'est une série de porn, Corey, que tu parles. Une série télé de porn. Mais il y en a beaucoup. Puis ça passe à la TV, pareil. Ça passe au Movie Access tard le soir. Mais tu sais, il y a même super écran, chaîne 2, là, tard le soir, les fins de semaine. Ouais. Il y a du porn, là. Puis c'est du hardcore porn, c'est pas du bleu nuit. Là, non, mais c'est la, le fait que c'est une télésérie, ça. Quand tu dis hardcore blonde, porn, là. Ouais. Parle non, Emmanuel, il n'y a pas Dirty Sanchez, là. Non, non, non. Hein? Beau placement de produit. Beau placement de produit. Non, mais. Hein? Je sais même plus les termes que hey, non, Dirty Sanchez, c'est quand on peut-tu... Non, mais faut l'expliquer. On l'exploite dans le cul. Que attends une minute. On va consulter les internets. Là, il y a un délai parce qu'on est en simultané. Est-ce qu'on doit expliquer c'est quoi un Dirty Sanchez? Ah, tu vas demander ça à l'équipe. Là, je viens d'en demander aux 4 personnes. En fait, ils sont rendus 7 ou 6. Oh. C'est selon. Moi, je vais aller voir moi-même en attendant. Il lui demande, puis des money shots. C'est vrai, hey, y a-tu des money shots dans Beach? Oui, j'ai dit des cum shots. Ok, mais y a pas de cum shot ou money shot? Y a pas de money shot. Y a pas de money shot. Y a tout sauf ça. J'ai, ok, ils veulent qu'on explique c'est quoi un Dirty Sanchez. Expliquez-nous. Nick, tout. Comme tu es l'invité, je te laisse te noyer. Ben, ah ouais, il va nous expliquer ça, parfait. Tu te mets un doigt dans le cul. Ok. Yeah. Puis après. On peut montrer à la caméra, tu fais ça comme ça. C'est quoi, pas ça où tu frottes dessus. Ouais, tu fais de moustache avec ton doigt à l'autre personne. Tu fais une moustache de caca. Sais-tu quoi, j'ai déjà vu un outtake de porn ever. Où ce qu'ils ont fait ça à une fille dans un porn. Hey, mais c'était pas si YouPorn qu'il y a des outtakes. Oui. Ah oui, t'as des outtakes là. Oh my god, c'est tellement du outtake laid là. C'est du outtake triste. Parce que t'as vraiment... Comme une bamba triste? Oh my god, man, c'est triste, là. T'as-tu plugué bamba triste? Oui. Je me suis fait... OK, j'ai aucune honte de l'avouer. Je me suis fait mettre au défi de plugger bamba triste, puis j'ai trouvé le spot, puis je l'ai fait. Et voilà. That's it, that's all. Non. Bamba triste, vidéo, allez voir ça. Que les outtakes de... Disons que les outtakes de Street Hood Whores, des fois, ils peuvent être comiques, mais après ça, après 3-4 minutes, ils deviennent tranquillement tristes. Oh boy. Milton, toi, ouais. Je te vois avec des feuilles là, cette j'ai semaine. Plein de feuilles, désolé, maman. Sorry, maman. Ta mère, elle écoute le podcast. J'espère pas. Tu sais que ça dégénère quand quelqu'un s'excuse à sa mère. Moi, je ne sais pas si maman l'écoute. On va voir. Elle est fan de la page, mais je sais pas si elle l'écoute. Pour c'est-tu Lynn qui avait écrit un message au début quand on est parti à la fanpage? Non, maman, c'est pas Lynn. Okay. Elle me réécrit à moi. Puis, en tout cas, c'est ça. Depuis la semaine passée, je suis officiellement spécialiste en médias sociaux. Bon, oh boy, félicitations. Merci. Pas mal d'applaudissements, Milton. Merci. Yeah! Ça consiste en quoi être spécialiste en médias sociaux? Être pas payé, là, tweeter des affaires, puis être sur Facebook, puis c'est pas mal ça. Quand tu veux, tu peux avoir un Tumblr aussi, des fois. Mais mettons, dans l'échelle sociale, tu startes où, puis tu finis où, mettons, là? Tu commences devant ton ordi chez vous. Puis si t'es chanceux, tu finis chez vous, devant ton ordi. Ou des fois, peut-être avec un téléphone, genre en quelque part, parce que tu peux utiliser ton iPhone pour être sur les médias sociaux. Tu sais, quand t'es rendu hot, là. Fait que tu as commencé sur un cadre. Moi, j'ai commencé sur l'ordi. Ouais, dans le temps, là. Mais là, c'est officiel, là. Je suis rendu spécialiste en médias sociaux, là. Attends, on va faire un... On va faire vivre un moment de nostalgie aux gens désagréables. ICQ, là. La nuit du soir. C'est ce que t'as fatigué. J'avais vraiment été là-dessus, mais ça me tapait ses nerfs. Moi, j'ai aimé ça beaucoup. C'était MIRC. À la planche. Oh, MIRC, t'es encore là. Fait qu'à part être spécialiste en médias sociaux. À part ça, j'ai écouté The Artist 3 fois, pas en ligne, là, mais 3 fois cette semaine. Ça jouait super grand. Super, super bon film, muet. Ça a l'air vraiment intéressant. En noir et blanc. Moi, je m'attendais pas à aimer ça, puis j'ai l'écouté, puis je suis comme resté hypnotisé devant, genre, puis j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Il y a rien qui... C'est vrai qu'il y a hot, genre, il parle pas, là. Mais moi, je l'aime pas dans rien d'autre que ça. J'aime pas Brice Denis. Cool. Ouais, ben, c'était cool. C'est pas mauvais. C'est juste pas au point de triper comme un malade. 99 francs, j'aime mieux lire le livre, parce que je l'avais lu à l'école dans le temps. Puis là, j'arrive, puis je vois le film, puis... Tu l'as arrangé. Ben, c'est peut-être moi aussi qui aime pas les films français de France, ça aide pas. C'est rare que j'en aime un. Mais dans des artistes, as-tu pleuré quand le chien meurt au début, ou... Non, je tripe pas vraiment ces chiens. Spoiler, man! C'est au début, esti, là. So what? J'aime pas les chiens qui meurent, les animaux qui meurent. J'aime pas les chiens, moi, ça me dérange. Moi, je suis un gars de chat, moi. En tout cas. au bout de ce bout-là, mais c'est j'aime, ça se passe dans j'aime The Artist puis les chats. Je l'écouterai pas chaque fois que le chien meurt. J'aime The Artist, les chats. Fait que toi, dans le fond, un nain en noir et blanc avec un chat dans les mains, là. C'est carrément. Tu capotes. Mais faut que ce soit un nain muet puis qu'il y ait tout le temps une petite trame de musique. Il faut que ça soit en 20 frames la seconde pour que ça donne un petit peu plus vite. Exactement. Non, mais en tout cas, je m'attendais pas à aimer ça puis j'ai adoré ça. Mais non, ma vraie actualité, là, c'est que j'ai passé beaucoup de temps à checker des trailers puis j'ai fait mes recherches parce que j'étais un fanboy de GTA. Puis là, quand j'ai vu que GTA 5 sortait, j'ai dit « Ah, faut que j'en sache le plus possible. » J'étais porté à ça. Fait que là, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'étais allé voir tous les sites, tout le monde qui en parlait. Puis j'étais allé pogner l'information le plus possible. Puis, gars, ça va être malade comme jeu. Mettons que tu nous fais un résumé bien ben cool. Vite, là. La map va être immense. C'est Red Dead Redemption, GTA 4, puis San Andreas, tout mis dans la même map, mais plus gros encore. Puis, en plus, tu vas pouvoir explorer l'océan, qu'ils disent. Fait que ça vient en comme 28 Blu-ray, là. Genre, je sais pas, ils disaient pas le format, sûrement qu'il va y avoir des mises à jour de 9-10 gigs, genre, là, dès que tu plugues le jeu dedans, là, mais ça, on va voir. Ça, je suis pas rendu là encore. J'ai hâte en maudit d'être rendu là, puis de le voir, par exemple. Le mois d'avril, je pense. C'est le genre de jeu que t'achètes à minuit, puis tu joues à 4h le matin. Ben, je sais pas. J'espère que non. Parce que si c'est ça, je vais tuer. En tout cas, à minuit, là, je vais être chez nous et je vais être en maudit parce que j'aime ça acheter des jeux de même à minuit. Puis, genre, je vais au micro-play dans le line-up là, avec plein de monde. Là, puis tu bois du Red Bull. Ouais, tu bois du Red Bull puis tu te primes pour jouer jusqu'à 6h du matin avec du monde. Là, puis, t'aimes pas ça d'acheter à 8h du matin sur les autres grandes surfaces? Bon, je suis pas de bout à cette heure-là, c'est plus ça le problème, parce que je veux jouer à minuit. Je comprends pas, moi, les gens qui achètent ça à 8h du matin. 8h, là, faut que ça te tente d'être de bout, c'est là. C'est triste, là. Ouais, mais tu te dises, tu passes la journée avec ça dans ton locker à la job, tu fais, toi, à soir, un mode jouer. J'en connais du monde aussi, par exemple, qui prennent, parce que moi, quand je faisais ça, je prends congé pour le lendemain, parce que naturellement, je vais jouer toute la nuit. Mais je comprends l'autre gars aussi, parce que j'en connais du monde qui se levait à 8h du matin à aller acheter le jeu. Eux autres, ils se couchaient de bonne heure la veille. Il était debout à 6h du matin, il était bien primé, il déjeunait comme du monde, il allait acheter son jeu, puis il jouait de 8h le matin jusqu'à justement 4-5h le soir. Ou son divorce. Puis, ouais, ça dépend du jeu. Je peux dire une parenthèse, le 8 du matin, pas en disant que je connais un peu le milieu maintenant du 8h du matin, mais il y a bien des grands-mères qui viennent ramasser les jeux pour leur kids. Hey, ça, c'est vrai. Hein? Ah, mais eux autres, à 8h le matin, c'est comme le 4h de notre après-midi. C'est ça. Ouais, c'est ils sont là depuis 2h dans la nuit. Le lavage est fait. La table est faite. Ils ont fait leur pain de viande. La vaisselle est faite et tout. Ouais, c'est un bon truc. Pourquoi pas? L'enfant peut aller à l'école. La grand-mère vient ramasser Call of Duty, Black Ops 2. Puis elle prestige avant son kid. C'est ça. Genre. Puis, bon, en tout cas, c'est ça. Pour revenir à GTA, là. Ben, ça va être fou. Le jeu, il y a trois personnages en même temps. Fait que t'es plus juste un maudit personnage que tout le monde haït, là. Que moi, j'aime Nico Bellic, mais plein de monde l'haïssait. Pour fouille-moi il la était raison. Tellement correct. Nico, j'ai jamais compris pourquoi le monde dit il est froid. Puis, si c'est un bonhomme, il est froid, il est russe. C'est ça. Ouais, c'est un russe qui tue du monde, je sais pas quoi. Les émotions, là. Non. Ah non. Qu'est-ce qu'il soit froid, là. De toute façon, GTA, ça a tout le temps été, je trouve, les personnages secondaires qui font l'histoire. Tu arrives dans la vidéo, l'autre, il est drôle au bout. Même dans GTA 4, le Rasta, il est-tu puissant? Tu sais, c'est écœurant, là, ça. Là. Puis en tout cas... Son cousin, il m'énervait dans le 4, par exemple. Moi, je trouvais ça juste drôle. Comme ouais, son cousin, il était justement là pour t'énerver. Là, le gros stéroïdé, je suis pas capable de le dire. Stéroïdé? Le gars qui trippait ses chars, là, qui était assez stéroïde. Puis Bruce, oui. Si je me souviens. Moi, c'est qui le personnage? Moi, c'était dans les expansions, j'avais aimé... Dans Gay Tony ou dans le... Pas Gay Tony, le biker que j'avais bien aimé. Lost in the Damned. Sauf ce qu'il fallait en plus, là, tu conduis en équipe, tu sais, tu ridais avec tes boys. Ouais. Là, c'est à cause. Je suis sûr que c'est ça qui a inspiré Sons of Anarchy, je dis ça de même. Mais je suis bien content que tu aies parlé de jeux vidéo, parce que ça me permet de... Anarchy. C'est ça, je suis content que tu aies parlé de jeux vidéo, parce que ça me permet de rentrer dans mon sujet de cette semaine, puis je vais faire de quoi qu'on n'a pas fait à date. C'est que je vais me permettre de chialer sur quelque chose. Go! Tu sais, d'habitude, on essaie de rester positif, puis tu te le quittes, puis... La Wii U est sortie dimanche. C'est quoi ça? La Wii U, c'est la nouvelle console de Nintendo. Ah, la Wii HD. Ouais, c'est ça. Mais mis à part tout ça, moi, je veux parler des je vais les appeler les entrepreneurs. les entrepreneurs qu'eux autres, ils, c'est des hommes d'affaires réfléchis et posés qui se sont levés dimanche matin puis qui sont rentrés dans les grands détaillants puis qui ont acheté des 7-8 consoles. Puis qu'une demi-heure après, ils étaient sur Kijiji pour les vendre 1000$, 700$, 800$. Fait que ces entrepreneurs-là, ben, j'ai zaï pour mourir. Puis j'ai trouvé cave. T'as-tu acheté une console à 750$, André? Je me suis... Non. Non, mais moi, il y a une affaire que je ne cache pas dans la vie. C'est, tu sais, regarde, écoute, c'est des affaires... On s'entend, là, oui, OK, le gamer est rendu en hein, 18 et 34 ans, puis blablabla. Bla, bla, bla, bla. Sauf qu'on s'entend que la Wii, il target du monde un peu plus jeune, des affaires de même. Là, eux autres, ils pensaient qu'ils étaient pour avoir des allocations de fou. Premièrement, ben là, je suis content cette semaine. Il y a eu des consoles qui sont rentrées, fait que leurs valeurs ont baissé. Puis je leur souhaite de rester pogné avec les consoles, puis de payer de l'intérêt, puis d'être obligé de les déballer, puis qu'ils les aiment même pas. Au pire, ils vont être pognés à les revendre au même prix ben, qu'ils ont c'est payé. Ça. Mais j'aimerais ça parce qu'ils vont s'avoir fait, excusez le terme, mais ils vont s'avoir fait chier à les acheter, puis ouais. Les mettre sur Kijiji, prendre des annonces sur les packs, puis tout le kit. Ça a juste pas de classe. Puis là, ben, ces crottés-là d'entrepreneurs. Dans le temps des autres consoles, c'était du monde qui achetait des consoles, qui privait un tripeur pour se faire de l'argent sur leur dos. Ouais. Ça, je trouve ça totalement dégueulasse. Ouais, c'est fait d'accord. C'est le genre d'affaires que fallait j'en parle parce on parle tout le temps d'affaires joyeuses. Puis on aurait dû continuer de parler d'affaires joyeuses, mais je pense que c'est le genre d'affaires là. Puis on peut parler d'affaires ben, joyeuses. Si je tombe sur un de ces. C'est le principe du scalper, en hein, quelque part. Ouais. Ouais. Ils scalpent des consoles quand tu y penses. C'est la même maudite affaire. Sauf qu'à 1000$ la console. Il exagère peut-être un peu, mais. J'aimerais juste vous dire quelque chose d'autre qui va vous frustrer encore plus. Je n'aimerais pas. Non, ça va sérieusement. André, ça va vraiment te frustrer encore plus tant qu'on est dans le mot du hater, là. Ma meilleure amie a voulu acheter une console proche de chez elle. Je ne nommerai pas le détaillant pour qu'on se fasse poursuivre. le détaillant annoncé sur leur site web, mais la page Facebook. Écoutez, on va vendre les Wii, tout ça. On fait un early opening. On va l'ouvrir à minuit. Donc, ceux qui veulent une console, venez à minuit, blablabla. C'est bon. Au Québec. La veille. Ouais, au Québec à minuit. La veille. Ouais. Sur la page Facebook. Écoutez, finalement, vu qu'on a reçu un très peu nombre de consoles, juste vous souligner que c'est un magasin qui n'a aucune franchise et qui est unique en son genre. Ah, Playzone. Whatever. Ils annoncent un instant. Toi, t'as plugué Verdun live, là. Ils ont annoncé la veille, finalement, nous ne vendrons pas les consoles à minuit, nous allons les vendre en enchères. Ok, non, ça c'est horrible. C'est Playzone qui a fait ça? Oui. Mais regarde, premièrement, Playzone a dit. Dans deux secondes, je vais juste dire la phrase magique. Dans nos vies externes podcast, nous nous détachons totalement des opinions proposées de ce podcast, de nos vies externes et blablabla. Juste pour pas que quelqu'un décide de poursuivre quelqu'un parce qu'on va être traité de crotté parce qu'ils font des enchères, là, mais. Voyons donc! La bouche est congelée! Ils ont fait un enchère de consoles. Ils ont dit, finalement, vu qu'on a reçu comme 7 consoles, Chris le gros, excusez, je sacré, fallait que je sache, ça vaut la peine pour la cause. Ça serait pas mal, ça, sacré pas. C'est non, ça. Mais je trouve ça vraiment hypocrite un peu qu'ils font ça. C'est parce qu'ils disent, on a pas reçu beaucoup de consoles. Hey! T'as pas de chaîne? T'es le seul magasin qui porte ce nom-là. T'as pas de chaîne comme, mettons, EB Games ou whatever. C'est normal que ça va être limité à peu de consoles. T'es pas un gros magasin de surface. Même les gros magasins de surface. Mais c'est ça, même, ils n'ont pas eu beaucoup. 10 000 copies. Fait que c'est en quoi? Fait que c'est de la pure hypocrisie pour faire du dos. Tu caches le dos du monde. Si, je suis pas officiel. Puis juste, c'est illégal faire ça en passant. Savez-vous qu'est-ce qui me dérange le plus là-dedans? Vas-y. Pour ceux qui profitent de ça, ouais. C'est que ça fait pleurer les enfants. Ben. Le non, pire, c'est vrai. Il doit avoir un kid, là, mettons. Là. Ben, il n'a pas sa Wii U à Noël. Là, parce que son père. Ben, je peux vous dire, ma meilleure amie, elle a probablement pleuré quand elle a lu ça. Son statut Facebook. Tu peux dire de quoi ta meilleure amie si elle l'a pas déjà trouvé une? Elle l'a trouvé une à Sylvie à 5h du matin pour aller au Best Buy l'acheter. Si je peux dire. Ah, c'est ta compagnie là, sonne gentille. Quand ça vient, justement, les Wii U qui ont rentré. Il y en a beaucoup de Wii U, je confirme. Mais il y en a sur le marché là, qui vont commencer à rentrer. Fait que les gens qui ont profité comme ça, Puis si, ouais, je suis pas sûr, j'ai nommé une autre compagnie, je suis pas sûr si c'est eux autres pour de vrai, mais si c'est eux autres, tout ce que je peux dire, c'est que moi, j'ai courtoise un peu sur leur page Facebook, puis c'est les premiers à chialer, c'est comme ouvertement, sur les clients qui chialent des prix de Walmart puis les grandes surfaces. Puis moi, je suis toujours en train de faire la morale au gars qui gère cette page-là, de arrête de hater, puis concentre sur du bon service. Ouais. Ils sont toujours les premiers à chialer sur comment est-ce que quelqu'un a un meilleur prix ou quelqu'un nous bat par 3 cents, puis c'est pas le meilleur prix, puis ils chialent ouvertement de ces personnes-là. Oh, écoute, ils ont fait ça, là, ça c'est hypercrite. Ils l'ont fait, là. Je sais pas s'ils l'ont vraiment fait en bowling parce que le monde ne chialait puis criait sur Facebook à l'injustice. Mais j'espère souhaite qu'il l'ait pas fait parce que c'est illégal, premièrement, puis deuxièmement, moi, je connais une femme très enragée de la situation qui va virer la terre à l'envers pour que la justice soit rendue. Rendu heureux, je suis content. Là. Comment t'as dit? T'as qu'une chemise. Sa mère était là. Okay. Oui, quand dimanche, quand elle est sortie, non, j'étais au Costco, justement. En fait, là, c'est un chandail noir. Ah, oh! Mais quand, quand j'étais au Costco dimanche, il restait 2 consoles. Moi, je passe de même, je vois ça. Il en reste 2 qui ont des blanches en plus. Là, c'est comme qui veut une blanche. Mais correct, la blanche. Si tu veux pas Nintendo Land puis un chargeur pour ton. Un trépied pour 50$. Ton chose, puis 50$. Ça vaut, tu sais, le jeu en vaut 60. Ouais. Mais je suis là, puis je vois, il reste 2 consoles. Je vois une madame passer, elle en a 2 dans son panier en plus. Là, je suis comme. Ok, elle en a 2. Déjà dans ma tête, je me dis, ah, elle jette pour quelqu'un d'autre ou essayer de la revendre. Je m'en vais faire de quoi? Je recroise la madame. Elle est rendue avec les 4 consoles dans son panier. Ah, ça, là. Je suis comme, elle a pris les 2 autres qui étaient sur le bord, là. Elle a dû voir du monde qui checkait. Ils ont dit, ah, je vais les mettre dans mon panier. Ça, partir avec 4 consoles. Moi, j'espère juste qu'il y en a plein qui se font, parce qu'il y en a plein qui rentrent. Mais je leur souhaite l'intérêt. Ouais. Moi, j'espère qu'elle les donnait, la madame, à ses 4 neveux ou je sais pas quoi, là. Non, mais c'est même pas ça. Moi, je trouve ça injuste parce qu'il y a du monde qui se sont levés de bonne heure le matin, qui attendent ça depuis longtemps, qui se sont levés, qui sont été en ligne, qui sont arrivés 2 minutes trop tard, ça, puis qu'il y a 5 personnes en face de lui, puis qu'il y a 7 consoles en place. Ah, t'es fucké. J'aime ça, mais lever de bonheur, je fais mon ménage, je fais tout. Oh. Puis à midi, tout est fait. Ouais, puis là, tu OK, fais Pépé, rien, Pépé midi. André. C'est justement. Non, mais c'est ça pour justement. Dire, pour finir ma phrase en disant que je trouve ça plate parce qu'il devrait limiter vraiment les consoles à une personne par achat, parce que ça... C'est... Il y a tout le temps façon de bypasser. On parlait de ça justement avec Milton. Je te bypasse ça en... Ok, t'amènes ta famille, mais au moins cette personne-là, c'est avec toi, puis elle a souffert comme ça. Quand ils disent une fois par une console par personne, ou peu importe, là, techniquement, d'après la loi, tu peux sortir dehors dans le parking, mettre ta console dans ton char, rentrer dedans. Ah, mais maintenant que t'as rentré, était partie ta console. Ton chum, il la tient. Ton chum, il est en dedans avec 4 consoles dans son panier chez Costco. Ah, j'avoue. Il les a dans le panier, tu peux pas y aller. En passant, faites pas ça, c'est vraiment crotté de faire ça. Ouais, c'est vraiment crotté. Écoutez pas mes conseils, mais nous écoutez pas. Nick, toi, t'as pas d'actualité cette semaine parce que t'es pas là d'habitude. Je suis au courant de rien. Mais non, mais écoute, t'es au courant de certaines choses. J'ai 20 ans en arrière. Ce qu'on t'a préparé, Nick, cette semaine, c'est une entrevue. On va te passer une mini-entrevue pour que les gens te découvrent et t'apprivoisent. OK, je suis prêt. Là, je te pose une question. Tu peux refuser de parler de ça, Nick, okay. Mais ça va aider les gens à se connecter avec toi. Nick, t'as quel âge? J'ai 35 ans. Nick a 35 ans. Oui. Ok. Un vieux de la veille. T'es crissement plus vieux que moi, man. Je viens d'avoir 34. Oh. Ah, fuck. C'est pour ça que vous connectez pas, vous autres. Non, c'est ça. Trop de distance entre vous. Nick? Le choc de génération. C'est quoi pour toi un ou une geek? Ouh. Ben, c'est vous autres, en fait. Ok. Non, mais pour vrai. Moi, okay. Je vous écoute quand même. Là. Vous êtes. Ouais. Tu sais. Il y en a que je connais moins, que j'apprends à connaître ici, mais André, je te connais depuis longtemps, Milter aussi. Puis, vous me fascinez de savoir tout sur tous les sujets. Comme un jeu vidéo, c'est sorti en telle année, c'est telle compagnie qui l'a fait, c'est lui qui a composé la musique. Eric, vu ses films, les acteurs, ils sortent tous, les réalisateurs. Pour moi, c'est ça un geek, c'est un passionné, mais une coche au-dessus. OK. Tu te considères-tu être un geek, toi? Oui et non. En fait, tu sais, quand t'as parti le geek collectif, ouais. Moi, je t'avais déjà dit, je suis pas vraiment un geek. Puis tu m'as dit, ben quand même, tu sais. Moi, c'est des films d'horreur, tu sais. Okay. Je tripe ces films d'horreur, puis je connais ça, puis tout ça. Fait que je me dis que oui, je peux être un geek, mais sinon, ouais, je suis pas un gamer, je suis pas... Ça n'a pas rapport, hein? Non, mais c'est ça. j'apprends à découvrir c'est quoi vraiment un geek. Regarde, le fait que t'as un mur là, qui a Vixens là, un après l'autre en haut, là, prouve que t'es geek de film. Pour le monde qui vont écouter ça un peu plus tard enregistré, dans le fond, on est chez Nick présentement, puis justement, il y a un mur derrière nous, puis... Nick et Danny. Danny, que c'est sa fête en passant. Bonne fête, Danny. Notre public live. Danny qui est notre auditoire live en personne. Hey, on veut savoir un applaudissement de notre foule. Non, de notre foule. Juste notre foule. Yeah. Hey, là, je me sens big. Oui, justement, je suis un geek. Mais t'es un geek, effectivement. J'aime ça les films. Je suis un cinéphile. J'en écoute. J'écoute toutes sortes de films, dont les plus obscurs et étranges. Fait que toi, dans le fond, creuser sur Internet. C'est quelque chose que tu fais, mais dans les DVD. Moi, je creuse jusqu'à temps que ça pue. Ah! Okay. Nick, c'est un homme brave, beaucoup plus brave Nick que moi. Nick est très brave. Nick, le moment vécu de ta vie qui a eu le plus d'influence? Le groupe Tazar. Écoute, faut parler. Oh my God! Pour vrai, là! C'est une plug dégueulasse. Ah non, mais là, je me dis, ça va venir big. Moi, j'ai hâte les médias mainstream ramassent ça, ce cas-là. Mais ils l'ont déjà fait, ouais, fait mais ça. Comme ça... faux, je parle. Puis embarqué là-dedans. Il a passé à Mario Dumont, me semble, ou de quoi de même. Ouais, son premier vidéo. Avec les micros dessinés. Non, mais sans déconner, moi, je suis vraiment un fan de films d'horreur. Puis je me rappelle, à 7 ans, mon père m'a fait écouter l'Opéra de la Terreur, Evil Dead. Je l'avais vu en français, c'est l'Opéra de la Terreur. Puis oui, j'avais 7 ans, puis ça m'a. J'ai trouvé ça épeurant quand même, mais c'est parti là, ma passion. J'écoutais les films d'horreur toute ma vie, puis mon père et ma mère ont toujours trippé sur les films d'horreur aussi. Moi, ma vieille tante m'a fait écouter ce même vieux film-là quand j'avais à peu près 7 ans, justement. Puis moi, l'opéra de la terreur, sur le coup, je pensais trop opéra, puis je m'attendais à de la musique ou quelque chose de même. Quand le film il a commencé, là, j'étais avec mes petits cousins et cousines là, dans le temps, là, qui étaient un peu plus vieux que moi, dans le fond, là. Mais c'était. Est-ce que j'avais peur, là? J'étais comme, c'est qui cette vieille tante-là qui me fait écouter ça? La traduction en français, je trouve que c'est un des seuls films que je trouve que le titre en français est. Il fait mieux, genre. C'est quoi, l'opéra de la terreur, c'est cool. Mais justement, j'avais aucune idée que c'était ça le titre en français. Moi, j'ai toujours connu sur Evil Dead. Mais quand t'as dit ça, j'étais l'opéra de la terreur, c'est quoi ça? Puis là, t'as dit Evil Dead, je fuck, c'est mieux que moi. Non, c'est ça, ce qui me fait que c'était vraiment comme c'était un... mais je pense que ça marcherait pas en anglais. Ça marche bien en français. Ouais. Mais dis Opera of Terror. Non, mais justement, des fois, tu sais, le titre en français, il traduit. Non, mais t'as raison, ouais. Evil Dead, ce serait le méchant mort. Fait que ce serait pas un peu. Fait que moi, j'écoutais E.T. puis j'avais la chienne. Puis toi, t'écoutais Evil Dead. Ouais. Ça explique beaucoup de choses. Tandis qu'on est sur le sujet, moi, c'était Thriller, la vidéo. Ça te foutait peur, le trailer. J'avais peur de Michael Jackson. Mais là, c'est parce que là, on m'a qu'on peut se toucher dans notre âge. Là. S'il avait 4, 5, 6 ans, puis il a vu le trailer pour la première fois, c'est assez traumatisant comme un kid de voir ça. Ouais. Moi, je trouvais. Là, ah, j'avoue que ça peut. Moi, là, puis en plus, là, je trippais Michael Jackson dans mon enfance, là, puis voir Michael là, transformé en. Ah ouais, c'était un loup-garou au début, je pense qu'après. Loup-garou. Là. Ouais, c'est un loup-garou. Soit ça ou perdre son nez dans sa soupe. Hey, come on, rest in peace, MP. Moi, je fais pas du Michael Jackson peace hate. Out, là. Il est mort, man. Je pense que Milter avait préparé une ou deux questions pour toi, Nick. Oh, je les ai-tu? Je te les avais écrits à toi, puis tu les as pas. J'en ai une. T'en as une? Ben, attends, moi, je m'en souviens de une. C'est ça même, on va avoir une question que tu vas poser. Ben, mais... C'était, dans le fond, quel personnage comic book féminin, ben c'est pas le comic book qui est féminin, mais quel personnage féminin de bande dessinée détestes-tu le plus au monde et pourquoi? T'en connais-tu une? Personnage de comic book féminin que je déteste? Ouais. Genre Wonder Woman, admettons. Là. Non, ça peut pas être Wonder Woman. Non, mais c'est un exemple parmi... Ok, mais mettons personnage de BD que t'aimes pas, là. Ça me vient pas de même. On dirait que vous attendez une réponse. OK, ben non, moi, je vais t'aider. Après une question, c'est fort possible. Moi, je vais te poser une question à deux volets, OK? OK. Puis on va s'en aller dans la même direction. Est-ce que c'est vrai que tu as vu Star Wars pour la première fois il y a environ un mois? OK, tu veux parler de C-3PO. OK. Nick, premièrement, pour les gens qui nous écoutent, ils sont pas au courant. C'est une là. Fille, C-3PO? Non, c'est un robot. C'est une fille dans le film drôle, là, c'est quand c'est Spaceballs. Non, dans Spaceballs. Mais Nick, mettons... Non, j'ai écouté Star Wars pour la première fois, vraiment, il y a un mois. Wow. J'avais, puis t'as 35 ans. J'avais déjà vu des bouts quand j'étais jeune, puis je me rappelais d'une couple d'affaires, mais j'ai vu épisode 4, c'est ça? Je veux pas me tromper. Oui. Je veux pas vous insulter. J'ai vu l'épisode 4 il y a à peu près un mois, c'est ça. Ah, c'était vraiment la première fois que tu voyais ça. Ouais, puis j'ai vu la moitié d'épisode 5. T'as pas ça à table. Puis C3PO, C3PO vraiment, il me gosse. Là. Je m'excuse, mais c'est parce que t'as pas vu épisode 1, 2, 3 pour dire ça. Étrangement, j'ai vu épisode 1. Pis c'est 3PO, il me gosse plus que Jar Jar. Wow! Non! Là, tu regardes. Même Chewbacca, je trouve. Il est borderline. Attends un peu, on va juste faire de quoi. Fait que là, t'es en train de dire que C3PO te gosse plus que Jar Jar Binks. Wow. Ok, c'est quoi ton nom sur Twitter pour inviter les gens à aller t'écrire? Johnny Tabarnak. Avec un K ou un C ou un Q-U-E? Avec un K. Donc, Johnny Tabarnak vous invite à aller déblatérer sur J'y vais pas souvent. J'y vais pas souvent, mais quand j'y vais... Mais non, mais moi, Johnny Tabarnak. Attends, là. Il y avait deux questions, right? Là, il la cherche, mais il l'a pas l'autre. Moi, j'ai une question pour Nick. Mm-hmm. Puis, je t'ai inspiré par ton mur. Mais faut que j'aille avec mon film, un de mes films préférés de tous les temps qui est là. C'est qui ton Goonie préféré? Come on! Hey, le chinois avec les gadgets, non. Il est pas pire. C'est Josh Brolin. Josh Brolin, il t'a dit. Mais comment est-ce qu'il fait pour survivre la scène où il se fait pogner sur le char avec son bicycle? What the fuck, man? Man, il se fait tirer, là, le gars, il tient le bras, là, pis ça, c'est une vraie douchebag, 80's style, là. Tiens, je vais te tenir, on va y aller vite, pis il fucking va dans la forêt, pis là, ça coupe. Ouais. Okay, Choco, c'est-tu considéré comme un Goonies, lui, vu que... Techniquement, oui, Choco, il devient un Goonie. Je veux pas spoiler chez les Goonies. Oui, il me fait penser à un Toxique le Ravageur. Ouais, c'est vrai qu'il ressemble à Toxique. Ça me faisait penser à ça quand j'étais jeune. C'est-tu avant ou après Toxique? Ça, c'est avant, je pense. Je pense que c'est juste avant. Oh my temps. God! C'est l'année Goonies. C'est 86. Oh, ouais. Toxique, c'est... 87, je pense. Là. Mesdames et messieurs, collés, c'est officiel. Sujet de la semaine. Ah, OK. La raison pourquoi on a invité Nick, la raison pourquoi on vient de passer du temps à apprendre à découvrir Nick, on parlait de zombies cette semaine. Yeah! Quelque chose que toi, oui. Milter allait exceller. On aime ça un peu quand même. Non, vous aimez ça un peu? On tripe. OK. Premièrement, on va y aller en formule table ouverte. Puis on va spécifier certaines choses. Première des affaires. Qu'est-ce qui est mieux? Les zombies rapides qui courent ou les zombies lents? On parle, mettons, 28 Days Later ou Dawn of the Dead. Peux-tu avoir une clarification vite faite? Là? C'est-tu zombie ou infecté? Si ben, c'est ça, un affaire. Parce que 28 Days Later, c'est désinfecté. C'est ça. Ben, c'est ouais, ça. Mais bon, c'est des zombies. Je peux non, mais les zombies qui sortent, puis peut-être c'est à cause que je suis fucking vieux aussi, là, mais les zombies qui sortent de les graves, là, après qu'il y a une genre de boucan qui va sur le village. Mais ça va avec les époques. Ça, c'est quelque chose. Ouais, mais il y a du monde qui vont dire il y a le zombie. Ça, moi, je trouve que c'est une évolution culturelle. Ça va avec tout. Dans le temps, le monde, il avait peur de choses qu'ils connaissaient pas, des mystères. C'était du monde qui sortait de la terre, qui était déjà mort. D'où vient un peu le zombie lent? Parce que t'es mort depuis je sais pas combien d'années, t'es déjà en décomposition, tu sors de la terre. Tu te réveilles, tu pars pas à courir. C'est ça. Surtout quand t'es à moitié décomposé. Mais ça, c'est un zombie. Oui, ça, mais zombie. Aujourd'hui aussi, qu'est-ce qui est évolué? C'est les peurs du monde. Puis le monde, ils ont peur de guerre, d'attaques bactériologiques, puis d'affaires de même, qui fait que les zombies... Ils se sont transformés un peu, comme tu dis, en infectés, mais c'est plus frais pis tout. Fait que le gars qui vient de mourir, c'est normal qu'il court pis tout parce que il est frais de 5 ouais, minutes. Mais on s'entend-tu qu'il y a une peur? Excuse-moi. Non, mais c'est ça, le zombie qui vient de mourir, hein, il est encore comme primé. Tandis que l'autre, ça fait 20 ans qu'il est déjà enterré pis tout, pis qu'il revient à vie côté magie ou mais peu tu importe. Dis, c'est une affaire d'époque. Ben, le premier film de zombies, c'est-tu le Romero? Là? C'est-tu un des... Ça courait ouais, pas bien là-dedans non c'est plus. C'est le premier. Il y en a eu d'autres avant, mais je pense que c'était vraiment le premier où qu'on voyait vraiment des... Qu'on développait le concept. On s'est entendu que la peur culturelle dans ce temps-là, c'était des fucking bombes atomiques. Ouais. Ouais, fait que ça faisait que le monde déjà mort à cause de la radiation se levait des tombes et était décalissé, excusez le terme, était mou et lent. Fait que dans le fond, si on a récapitulé. Mais moi, je suis pas contre. Récapitulant. Je suis pas contre les zombies qui courent. Je suis un fan des zombies classiques de, à la Romero qui marchent, qui sont lents, qui sont végétatifs, mais. Moi, j'ai les zombies qui courent. Depuis les zombies qui courent, j'ai comme. J'ai comme bon, on est sur la bonne track de dire que actuellement, les zombies courent parce que c'est rendu là, mais dans sont le temps, en forme. Ils sont frais, ils sont frais. Moi, non, c'est tout en fraîcheur. Ils s'entraînent, ils se mettent un petit peu de crème. Ils sont en forme. C'est ça. Ils manquent pas trop de bouts. Nick, j'aimerais ça que tu nous parles rapidement d'un de tes films inconnus de zombies. Le premier qui te vient en tête, là, qu'un paquet de monde n'aura pas vu. Là. Ben, en fait, je suis pas mal sûr qu'il y a bien du monde qui n'ont pas vu. Puis c'est aussi un des plus plates que j'ai vu de ma vie. Ça s'appelle. Dis de même, c'est vendeur. Ça s'appelle Zombie Island Massacre. Puis j'en parlerai pas longtemps parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur ce film-là. Le titre, ça fait la job, là. Mais écoute, le titre fait pas la job pantoute parce que il y a pas de plutôt complet, il y a pas de zombies. Il y en a pas il un. Il se passe rien, il se passe rien. Il y a des boules de temps en temps. Comme après tout bon film de zombies qui se respecte. Après 45 minutes, il se passe de quoi un peu? Tu penses que c'est un zombie qui arrive? Non, c'est un pygmée. Il y a le premier mort à peu près après 45 minutes. Écoutez ça, le pygmée, il tue une chèvre. Fait que le premier mort du film, c'est une chèvre. C'est un film de zombies. Il n'y a pas de zombies dedans, puis il tue une chèvre. Moi, j'aime les chèvres. Mais je pense que c'était ça. Tu nous as fait écouter ça chez FM. Je sais pas, mais non, c'est vraiment. Je peux même pas dire que c'est un film de zombies. C'est-tu une vraie chèvre qui est morte, un peu à la cannibale Holocauste, ou qui se font chier dessus parce que c'est des vrais animaux qui tuent? What the fuck, c'est quoi ça? T'as jamais vu Cannibale Holocauste? C'est un vieux classique. Je suis sûr que Nick il l'a ici, en quelque part, en plus. J'ai pas le film, j'ai le t-shirt, par exemple. J'ai le t-shirt. Qui est empalé avec un bâton. C'est un vieux classique italien, années 70, que plein de monde ont vu. Mais dans le temps, c'est Spider-Man. C'est un peu l'ancêtre du gore, un peu. Lost tape, found footage, quelqu'un qui trouve une cassette. C'est une équipe de caméras qui sont faites. Les Italiens étaient forts sur des genres de weird, fausses, vraies histoires. Ouais. Demons, c'est pas ça que ça commence comme ça? Je l'ai pas vu, ça. Parce que Demons, c'est genre This is based on the true story of a film. Ouais. C'est comme Blair Witch, mais encore plus hot dans le temps. Demons, c'était plus hot. Mais l'affaire, c'est que dans le film de Cannibal Holocaust, il s'avait fait. Le film était considéré, puis même aujourd'hui, techniquement. Je sais pas pourquoi je sais ça, mais il n'y a pas le droit de rentrer au Canada, le film, à cause des colons de la régie. Il est banni dans plein de pays, mais moi, je l'ai eu parce que ma blonde m'a acheté ça sur Internet en Italie ou quelque chose de même. Puis, justement, dedans, c'est parce que la raison qu'il est banni, c'est parce qu'il tue des vrais animaux pour les scènes. Il y a une grosse tortue géante qui est tuée puis qui est vidée. Mais tu sais, c'était comme dans les années 70 où c'était pas vraiment régi. Ah, dans le temps, il n'avait des tortues, tu sais. Ah, il n'avait plein, là, tu sais, des grosses tortues géantes. Là. Ça, c'est poche. Mais en tout cas. Mais en tout cas, pour dire que ce film-là, c'est... Zombie Island Massacre. Il appelle ça Zombie Island Massacre, puis c'est pas vraiment un film de zombies. C'est comme un film, c'est plus... Mais tu veux que le monde écoute ça, de là. Tribu cannibale ou... Mais c'était-tu une vraie chèvre, finalement, ou ça paraissait que c'était fait? C'est une traduction horrible d'un film. C'est un trauma release. Fait que c'est comme... Fait que t'avais dit que les traumas, c'est pas... Trauma release, Zombie Island Massacre. D'habitude, c'est bon, hein, c'est ça, trauma. Sa pochette est comme... C'est une ex-porn star qui est dessus. Puis je me dis, y a-tu un zombie sur la pochette? Non, mais ouais, y a comme quelqu'un de gris. T'es pas sûr, ouais. Mais finalement, quelqu'un? C'est gris. Finalement, c'est juste comme un... Concept artistique. C'est un black gris. C'est Slenderman. C'est un noir qui est poussiéreux, puis tu le chèvres, man. Un noir poussiéreux. Tu me fais penser à... C'est genre le... Le Dracula 2000, mais de trauma. Tu sais, comme dans le champ où c'était les... C'était qui? Les frères Weinstein, eux autres, ils ont fait Dracula 2000 parce que... J'avais pas aimé ça. Non, mais c'est parce que le monde, il comprenait pas c'est quoi. Pourquoi tu fais un film comme ça? Puis là, Weinstein, il disait direct, mais c'est fucking à quoi ça s'appelle Dracula 2000. Puis... Ouais. C'est vrai que Dracula 2000, c'était un peu n'importe quoi. It's a fucking great title. Tu regardes ton Zombie Massacre Island... C'est comme le gars de trauma qui dit it's called fucking. Ça n'a pas rapport dans le fond. C'est vraiment comme. Moi, j'ai acheté ça au métro vidéo à 12,99$ en me disant un bon film de zombies, de trauma. Fait que c'est à cause des films comme ça. Tu regrettes ton 12$? Je regrette pas parce que c'est quand même. Un quand plus même dans drôle d'avoir ça dans une là. Collection de VHS de films de marde-là. Mais... Le prochain point de zombies qu'il faudrait adresser, là, c'est. On en a parlé un peu, fait qu'on va parler brièvement là-dessus, parce que dans un autre épisode, on touche le sujet, mais les jeux. les meilleurs jeux, les pires jeux, les jeux de zombies, là. Mais le Turd, tu vas pouvoir embarquer là-dedans, là. Ben, le Turd, c'est un fan. Moi, je joue à plein de jeux de zombies. Je les essaye presque à Dead Rising, c'est comme ton... Dead Rising, c'est mon meilleur. Moi, je trouve que c'est un jeu incompris parmi tout le monde, ou presque. C'est pas bien, ça. Il y a plein de monde. Comment ça, t'aimes ça? C'est de la maudite merde, ce jeu-là. Le système de save pourri, le temps. Moi, dans le fond, dans le temps, quand j'ai joué à ça la première fois, je comprends. Tu sais, je jouais parce que je tuais des zombies de toutes les façons possibles. C'était comme mon fun, la raison pourquoi je l'ai acheté. T'avais pas le Zombie Genocide? C'était 65 000 kills ou quelque chose dans le temps. Dans le temps, saut de Mega Man. Ouais, dans le 1, là, ça, ouais. Je l'avais fait. Là, puis, tu sais, je m'amusais. Là, moi, là, c'était juste tuer des zombies. Puis là, comme plus que je jouais, je faisais comme OK, tu continues, tu gardes toutes tes affaires. Ton bonhomme il évolue, c'est plus facile. Là, je commençais à faire l'émission. Puis c'est là que j'ai vu la totalité complète du jeu. Là. Pour vraiment aimer ce jeu-là, faut que tu le joues plus qu'une fois. Il y a plein de monde qui dit « Ah, je l'ai fini, le jeu, c'est plate, la fin est poche. » Comme « Ok, t'as juste joué ton laps de temps qui se fait tout seul. » Peu importe ce que tu fais, t'as une fin au jeu après un certain temps. Fait que c'est sûr que si tu fais rien, tu trouves ça plate. Mais ça fait longtemps qu'ils font des jeux de zombies, pareil. Quand on y repense, « Zombies Ate My Neighbor ». C'est un classique. C'est bon, ça. Ouais. T'avais plein de jeux de zombies, puis tu sais, il y a eu un renouveau. Puis regarde, les zombies, c'est rendu tellement quelque chose qui peut relancer quelque chose. On prend pour l'exemple, tu sais, Call of Duty, là. Oh, le zombie monde, tu sais, du monde, c'est le fun. Ils mettent le zombie monde là-dedans. Hein. Puis là, t'as un paquet de monde qui dit Call of Duty. Puis, voyons, c'est pas ça. Ils rajoutent juste pour puis, ça. Hey, t'as peur, il y a un mode de zombie. Oh, t'as peur. Puis là, ça s'est mis à vendre comme ça se pouvait pas. Ah ouais. Le monde trip. Moi, j'espère qu'il y a un zombie mode dans Grand Theft Auto 5. Je dis ça de même. Si, il y en avait, Si jamais il y a des producteurs. Non, mais c'est dans Saints Row 2. Il y avait un mode que dans ton t'allais dans ton crib, là, t'avais ta maison que t'achetais, puis t'avais ta TV. Tu pouvais jouer au genre de Xbox ou PS3, peu importe. Ben, sur dans ta Saints TV. Row 3, t'as un bout avec des zombies aussi. Ouais, mais c'est comme... c'est pas pareil, là, genre, c'est dans... Mais c'est Red Dead Redemption aussi, il y avait un zombie. Dead Nightmare. Ça, c'était cool, je me souviens. C'était un des meilleurs que j'ai joué pour le côté l'ambiance, là, puis tout. Land of the Dead, je me sens. Non, c'était-tu Land of the Dead? Ouais, Romero, ouais, un jeu, Fiddler's Green. Ça, je l'avais aimé. Ah, ouais, puis le jeu PC, je pense. Plus. Ouais. Ben, il l'a fait au Xbox. Il l'avait sorti au Xbox. J'ai jamais vu au Xbox. Regarde, c'est pas des meilleurs jeux, mais c'est le fun quand même. Là. C'est, tu te réveilles, puis t'es dans une maison, puis tu te sens comme dans un zombie apocalypse un peu. Là. J'avais trippé Left 4 Dead dans le temps. Le 2 aussi, mais ça a comme tombé vite un moment donné. Genre, je sais pas comment dire ça, là, mais tout le monde jouait à ça un moment donné, puis là, on arrête tout d'une shot. Il y a sûrement un nouveau Call of Duty qui est sorti. Là, t'as bien du monde qui ont recommencé à jouer à ça. Là. Ouais. Moi, j'ai bien de mes chums, là. Hey, tu viens-tu, on se pète une game de Left 4 Dead? Ben, why not? T'as des mods, un paquet d'affaires. Ça, c'est le genre de jeu qui est écœurant quand tu fais un genre de LAN party, là. Quand t'es 4 TV dans la même place, ça, là, tout le monde est dans la même place, dans la même salle, là, puis on joue à ça, là. C'est vraiment cool. Fait que ça, en gros, les zombies, là, tu sais, c'est rendu les livres, les jeux. Ah, c'est partout. C'est partout. Ah, il y avait l'épidémie de zombies dans World of Warcraft, que je dois dire, qui était écœurante, là. Ça, là. C'était pour l'Halloween, je pense. C'était pour le launch de Wrath of the Lich King. Oh, ouais. C'était comme pendant une semaine ou un mois. C'était une semaine. Puis il avait commencé ça à Booty Bay, où il y avait des crates avec un zombie infection. Puis tu te transformais en zombie. Puis c'était tellement fucké, parce que World of Warcraft, c'est quand même un jeu où, oui, c'est MMO, tout est un monde ouvert, mais tu perdais contrôle complètement de ton bonhomme. Là, tu devenais un zombie. Puis là, tu te promenais dans tout, t'es comme, qu'est-ce que tu fais? Tout ce que tu touchais devenait zombie. NPC, quest giver, flight path, tu le nommes. Oh boy. Wow. Puis ça fuckait tout le jeu. Fait que là, les gens, ils haïssaient ça. Parce que là, qu'est-ce que c'était l'anarchie pendant une semaine. C'était l'anarchie dans World of Warcraft pendant une semaine, mais c'est un MMO, là, je m'excuse, mais il y a personne qui a eu les bases de faire un MMO persistant encore. Mm. Puis le zombie mode a arrivé à avoir un MMO borderline persistant. Parce qu'après 3-4 jours, je te niaise pas, surtout de sur mon serveur, il y avait comme par exemple à Stormwind, parce qu'il y avait toujours des infections qui partaient, puis t'avais des gens qui voulaient se faire infecter pour commencer un spread partout. Mais là, tu commençais à avoir des guilds qui se formaient pour faire des patrouilles pour garder la ville propre. Oh, ouais. Wow. Fait que là, tout ça, c'était parti. Lorsque là, les gens, ils se bandaient ensemble, puis t'es comme, OK, il y a une infestation là. Fait que là, les gens, ils allaient là, cleanaient ça up. Puis là, après ça, c'était calme pour un bout de temps. Mais c'était rendu persistant comme ça, là, c'était hallucinant. Ça a duré une semaine et demie. Fait que même si c'était Alliance, puis que le gars c'était une Alliance, il était en Zambie, tu fais le tuer. Ouais, moi même, j'étais Alliance, puis je m'amusais à aller partir des épidémies dans Darnassus. Pourquoi ça m'étonne pas que tu partais des épidémies? Mais éventuellement, non, mais au début, moi c'est mon genre. Au début, c'était le fun à triper là-dessus. C'est son genre de foutre la merde. Après, non, mais après, c'était devenu un mode défense. Ouais, ouais. Là, après ça, je voulais cleaner, me battre contre ça. Des gens qui partaient des affaires me faisaient chier. Puis... Mais ça, c'est un bon exemple de add-on zombie. Ah, ben c'était... Le jeu, il était absolument injouable pendant une semaine. Parce que les gens qui savaient pas se défendre ou qui étaient juste comme des personnes qui faisaient des quests puis d'attitude, comprenaient même leur pas leur jeu se faisait fucker au bout puis ça savaient pas quoi genre, faire. Genre moi qui étais level 40 puis là tout le monde sort comme 85 avec des étincelles, les armures magiques puis la kit. Puis moi qui fais comme. C'est à peu près à ce moment-là que j'ai arrêté moi avec de jouer à ça. Moi. Je comprends plus rien. Mais dans le fond, les zombies. C'est là pour rester. Là. Ben, surtout là, plus que jamais. D'après moi, regarde, moi, ça fait longtemps que j'aime ça. Chez Nick, ça fait longtemps, maudit, là, dans la même au secondaire et ouais. Tout. Mais c'est à mode présentement. Je pense que Walking Dead, ça a fait comme. Walking Dead, ça a juste. Gars, j'étais à job, là. Puis mon boss, il me parle de Walking Dead. Excuse. Qui a son livre qui parle de zombies. Ben... C'est le livre de Nick. Ah, c'est à Nick. Qui nous apprend à dire des mots en zombie. Ouais, il y a de la traduction là, dans le livre. Tu sais, ce qu'il dit. On va mettre une photo sur le Facebook. Ah ouais, c'est comme... Walking Dead, c'est même si du monde qui trippait pas sur les zombies puis pas nécessairement sur les films d'horreur, ont découvert Walking Dead puis ils trippent sur Walking mais Dead. Mais pensez-vous que ça va être une bulle? Moi, je pense que oui, dans un sens, parce que dans une couple d'années, il va y avoir d'autres choses. C'est ça. Ça va passer à d'autres choses. Si t'es pas un grand fan, sûrement qu'il y en a qui vont décrocher. Ouais, c'est comme, sûr. Comme tu décroches de n'importe quoi. Ouais. Fait que c'est quoi la prochaine grosse affaire? World War Z. Non, mais je veux dire, ben c'est ça. Ouais, c'est sûr, ça risque. Parce que ben, justement, on en parlait là, tantôt. Là, c'est comme on commence à faire un peu un full circle sur les zombies. Ouais. Quand t'as le World War Z, qui a les tsunamis de zombies, on s'entend. Là, c'est, ouais. C'est, oh, ouais, c'est rendu à la. De là, là, c'est rendu des zombies. Là, il va fucké, avoir les là. Zombies romantiques. Ben, t'as les zombies ouais, qui sont Warm sauvés bodies, par l'amour. Je pense. Les zombies qui sont sauvés par. Ouais. Ça va être drôle. Ben, ça, c'est la preuve, je trouve, que les zombies. Non, moi, je trouve que. Gars, Warm. C'est quoi, non? Warm Bodies, c'est le Twilight du zombie. Gars, au Twilight, t'as scrapé. Les vampires, puis le monde qui aime les vampires. Mais les zombies, t'as raison. Toi, t'es aime encore, mais la plupart du monde. Moi, je les aime parce qu'ils me font faire de l'argent. Ces vieux vampires. Non, mais pas le Twilight, tout ça, mais je parle des vieux classiques du vampire que le monde aimait, que d'après moi, 30 Days of Night a peut-être réussi à faire revivre un peu au début, le 1, là, le premier. Tu parles de ceux qui se tiennent au saphir, là, puis. Au sa... Non, écoute, non, le premier étage du saphir. Ils dansent avec les. Pas pour faire. Ils dansent au saphir. Pas pour faire un spoiler de Breaking Dawn Part 2. C'est même pas quelque mais chose. Mais je dois dire que dans Breaking Dawn Part 2, je connaissais pas les personnages. Hey, ma femme, elle me spoil pas. Non, non, il y a des têtes qui roulent, là, c'est tout. Mais quand ça vient à. Quand ça vient les gens, à. Les gens, tu parles des vieux vampires, là. Il y a deux vampires roumains, ou je sais pas de d'où ils viennent. Mais dans en Twilight? Anglais. Ouais, mais Italien. En anglais, ça. Non. Non, non, non. Oh, en anglais. Ils sont russes. Mais c'est ça, mais moi, je pense. Ils disent pas qu'ils sont russes. Ils disent qu'ils sont russes. Mais en tout cas, ils ont l'accent anglaise de. C'est-tu Lucien Bouté? Non, mais ils ont l'accent de Transylvania, tu sais, l'accent là, de. Que l'accent classique. Hey, I'm gonna eat your brain! Exactement! Brain. Comme le Count dans Sesame Street. Exactement! Et il y a un moment où ce qu'ils disent, eux, que c'est les Italiens qui ont rasé tout ça pour. En tout cas, c'est quasiment comme s'ils disent que. Les Italiens ont fait des vampires sparkly, je sais pas. Wow. Oh, mais là, les zombies dans Warm Bodies, leur cœur, il glow. Ouais, non, mais ça, moi, gars, je veux même pas le voir. Ah, tu vois, mais pour les zombies, je trouve que tu peux plus rien que dire c'est un film de zombies parce que les zombies, c'est un accessoire dans les films. Il y a des comédies de zombies comme Shaun of the Dead. Il y a des films qui vont être plus action-oriented, là, comme le c'était quoi dont j'en parlais la dernière fois, là, Mel Alaïssa. De quoi? J'ai un blanc, là, le film de zombies que t'as eu, qui était l'arcade. Là. Happy Gilmore. House of the Dead. House of the Dead. J'avais Land of the Dead dans la tête, mais c'est okay, House of ouais, the Dead. Mais on s'entend que c'est plus action. Ils sortent des guns, ils se mettent à tirer partout pour rien. C'est quoi le film de TVA, là, Fido? Ben, Fido, c'était cool quand même. Ouais, ouais, mais tu sais, c'est quasiment un. Apprivoisé, là. Qui avait inventé un collier. Qui ouais, pour apprivoiser les Fido. Mais tu sais, ça, tu vois, c'est comme drame quasiment social, puis drôle. Ça. Ouais, mais tu sais, en tout cas. Comme Shaun of the Dead, un peu. Dans ou le fond, à la fin de Shaun of the Dead, qu'on vient de spoiler là. Non, mais moi, je parlais du début. Tu sais, tout le monde est dans leur routine, dans leur pattern. Ah, ça, ok, ouais. Je pensais que tu parlais d'apprivoiser un zombie. Non. En tout cas, peu importe. Il y a que genre lune de miel de zombie que j'ai vu sur le mur à Nick tantôt, que c'est comme quasiment une comédie romantique de zombie. Comédie romantique, mais tu sais, moi, quand j'ai vu ce film-là, je me suis dit que c'est comme un film avec une femme, mettons, une femme battue qui reste avec son chum parce qu'elle l'aime quand même, même si c'est ça qu'elle a volé, mais là, c'est un zombie à la place. Mais la fille, est comme, elle sait que le gars, il mange du monde, mais. Elle laisse avec, faire, puis. Fait que. Mais c'est. Pis ça. Tu peux pas, justement, dire après au monde, je m'en vais écouter un film de zombies. Parce que le monde va avoir dans leur tête. Plein de zombies. D'autres choses, ou, tu sais, ben, encore dépendant sur quoi que la personne, elle se base comme référence. Fait que c'est vraiment. Le titre, là, Zombie Island Massacre, genre. Ben, ça, justement, tu penserais que c'est un gros film de. Moi, j'imagine ça, là, Zombie Land sur une île. Puis du monde avec des machettes. Zombies, moi, c'est de même, j'imagine ça, quand tu me dis Zombie Island Massacre. Puis, tu sais, en tout cas, si j'arriverais, puis que c'est des pygmées qui tuent des chèvres, là. En même temps, je le dis, puis je trouve ça écœurant comme. Ça a l'air écœurant comme non, concept, mais en le voyant, c'est peut-être d'autres choses. C'est vraiment pas écœurant. Ouais, j'avoue. Là, mais ouais, il y en a là, des films quand même de zombies. Là, ça... Mais mes préférés, ça reste quand même les vieux, t'sais. Lesquels? Les vieux, tu sais, des années 80. Ah ouais, les classiques. À partir de fin 60, de Night of the Living Dead, jusqu'à... Avant que ça devienne la grosse mode, à cette heure, c'est trop de CGI. Non, mais c'était devenu la mode des années 80, quand, non? Quand ils ont sorti le remake de Dawn of the Dead, j'étais le premier à dire « Ah non, ah non, ah non, ah non. » Un maudit remake. Quand je l'ai vu, j'ai fait « Wow! » C'est un des meilleurs que j'ai vu. Autant remake que pas remake, là, c'est... Ça, là. Mais Schneider, là, c'est un pro, là. C'est pas ça son nom, là. Ouais, Snyder. D. Snyder, fait... c'est ça, non? Non, ça, c'est Zack Snyder. Ouais, Zack Snyder, là, tu vois que c'est un fanatique. Celui qui a fait 300, puis... Qui fait le nouveau Superman. Puis il a fait l'autre film que j'ai pas trippé tant que ça, mais qui était un beau film. Watchmen. Sucker Punch. Sucker Punch était le fun. J'ai trouvé que c'était un beau film, mais pas nécessairement bon. Non, mais il est beau à regarder visuellement. Mais dis-toi, là, que le gars là, s'est dit cool. Je veux des sexy ladies qui se battent dans des combats fuckés. Il s'est payé un comment trip que personnel. Je fais ça fonctionner. Puis c'est ce qu'il a fait fonctionner. Il a aux danseuses aussi. Puis il a fait le film Zibou aussi. Là. Avec amener le même budget qu'il a pris pour le film. Zibou. Sur les Zibou. The Legends. Legend of the Guardians. C'est pas bon. André, il a pas aimé. Il veut qu'on saute. Pas vu ça. Moi, je l'aime pas non plus. C'est juste parce que. On est rendu, mesdames et messieurs, je suis désolé. Pas le moment que j'attends depuis deux semaines. Le moment que Milter attend depuis deux semaines. On est rendu à Manette Dorée. Donc, je suis l'heureux élu de la semaine passée. J'ai pris des notes. T'as pris des notes sur Ultraman? J'ai pris des notes. C'est profond comme histoire, ça. Là. Premièrement, mon défi était Ultraman et Le Village de Nathalie. J'ai dit que j'étais pour faire les deux. J'ai écouté Le Village de Nathalie. Au complet? Pas au complet. Okay, okay. Pas au complet. Est-ce-tu moi ou j'ai c'était remarqué? Poche. Ben, je te niaisais en des chats, là, puis j'avais envoyé des vidéos. Je me suis rendu compte. Elle a fait ça quand même jusqu'à son adolescence. Ouais. Oh, oui, oh, là, oui. J'ai rendu, j'étais là, j'ai tombé dessus, je m'attendais à une kid Nathalie, puis je suis comme, oh, fuck. Elle aurait peut-être dû arrêter un peu, moi, ouais. Par exemple. Mais regarde, il y avait une boîte à mal, il y avait plein d'affaires awkward, elle avait 40 millions de robes du monde. La boîte à mal, c'est du rouge à lèvres. Ah, gageur blanc. Me semble que c'est ça le nom. Me semble que c'est ça. Pose la question, je sais exactement. Mais honnêtement, regarde. Non, je pose la question avec la réponse. C'était, regarde. C'était une constatation, pas une question. Je l'ai écouté, mais maudit que c'était wrong. Mais pas aussi wrong que Ultraman, The Complete Series. C'était pas aussi wrong. C'était pas aussi wrong qu'Ultraman. Ah non, c'est si. Non, non, mais Ultraman. Ça te rend malaisé. D'un, pas malaisé, mais j'ai écouté ça. Dans le temps que j'avais mon trip, j'avais acheté Godzilla contre Godzilla de l'espace en VHS. Oui, j'adore les vieux Godzilla. Là, j'ai écouté Ultraman. Premièrement, OK. Moi, je mets le DVD, puis là, je start ça. Puis, premier choix. J'ai un choix de langue, anglais ou original avec sous-titres. Fait que je suis allé avec l'original avec les sous-titres. Le meilleur choix. En japonais. Ouais. Puis, Là, j'ai écouté la chanson thème, puis je me suis dit, je vais la remettre en anglais, puis je vais réécouter la chanson thème. Puis j'en reviens pas, là, mais comment tu peux pocher de quoi en anglais? Ben, ils l'ont scrappé, là, puis... C'est pas la même musique? C'est la même tune, mais les paroles sont offbeat, bien raides. C'est pas les paroles en anglais? As-tu des exemples de phrases? J'ai pas pris des notes là-dessus. Ultraman saves Tokyo. Non, mais... Même chanter sur le beat de Spider-Man. Ultraman does mais whatever regarde, an Ultraman can. Ultraman nous. Mais, Ultraman. Mais non, mais justement, je trouve ça cool que tu dis ça parce que avec l'accent japonais, la chanson thème, là, c'est... Ultra. Je l'ai écrit, là, c'est Uluturaman. Uluturaman. Uluturaman. Ils disent d'une manière super mélodique, puis... C'est un beat quand même assez jazzy des années 80-70. T'es carin, ça. Le, comme les, le thème est hot. Là. Comme Spider-Man, les vieux cartoons quand ils se promènent, là, t'sais, t'as assez de jazz long, tout le temps, là, pis des scènes de drogue dure. Puis là, après ça, ben, l'émission a commencé. La toune est vraiment joyeuse, OK? Puis là, je vous fais un recap de l'épisode 1, puis là, je n'ai pris en maudit des notes. Ça a l'air, tu m'as inspiré la dernière fois. Je vais vous épargner ça. OK, il y a une planète bleue qui arrive dans l'eau près d'un campement de hippies japonais weird qui chantent mal. Ça commence de même, l'épisode 1. Ça commence straight de même. Là. T'as des hippies japonais qui chantent tout croche. Ça t'établit un personnage. Arrive, qui s'en va dans l'eau. Le héros, Ayata, arrive avec sa fusée. C'est clairement inspiré de Thunderbird. Mais se fait démolir par une planète rouge. Fait que là... T'as des hippies, une planète bleue, t'as l'autre qui arrive avec sa fusée, puis une planète rouge qui l'éclate. C'est de même, là. Mais il y a des hippies japonais. Ben, c'est comme des manouches. What? C'est des manouches japonais. Wow. My God. Là, je dis, il y a vraiment un 5 minutes awkward où la fille fait juste crier « Ayata, are you okay? » Pendant combien de temps, 5 minutes? Je l'ai timé, là. Moi, dans ma tête, c'était 5 minutes. Ça dure vraiment une minute. T'as une minute de l'émission. L'émission dure 25 minutes au complet. T'as une minute, c'est « Ayata, are you okay? Ayata, are you okay? Ayata? » Puis là, je le dis en anglais. Mais là, c'est en japonais avec une voix écœurante. Regarde, c'était génial. Tu penses qu'elle crie, là, mais dans le fond, elle crie. Pour qu'ensuite, tout le monde mette leur uniforme et quitte dans leur propre jet rejoindre le site d'écrasement. Ils ont comme des sautes orange avec une cravate plate brune. Oui, ils ont exactement cette soute-là. Pour les gens sur Internet. Moi, je dois dire qu'il était que c'est génial. Il y a beaucoup trop de le trucs. Le casque, même, il est fort. Ça n'a pas de sens. Ayata est par terre intact, mais se met à flotter entouré de la planète rouge. Dedans, il communique avec un alien de la nébule M78 qui devait apporter Bémular. Bémular, c'est le méchant. Jusqu'au cimetière de l'espace avant qu'il ne se sauve sur Terre. Là, ce qui est intéressant aussi, c'est que si tu checkes la pochette, c'est marqué que le Giant Super Hero from Nebula M713, mais dans le show, ils disent qu'il vient de la Nebula M78. Fait que, direct en partant, tu sais que c'est pertinent pis c'est le fun. Ouais, mais c'est quoi qu'il faut croire, la pochette ou le show en tant que... What the fuck, honnêtement, moi, je me tiendrais pas mal plus proche des sous-titres poche du film que la pochette. Là, attends une minute. Ça, c'est le meilleur bout. L'alien, pour se racheter, donne sa vie à Ayata. Il dit, tu sais, gars, écoute, j'ai scrappé ton jet, je t'ai ramassé le gros... Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Parce que ils vont fusionner leur corps et leur esprit, parce que soudainement, l'alien, il décide que lui, il a envie de se battre pour la paix sur Terre. Fait que lui, là, dans le fond, il arrive avec sa planète rouge. Cette semaine-là, là. Sa planète rouge, elle arrive chassant la planète bleue, qui est Bémular, puis il l'amène au cimetière de la Terre. Puis là, l'autre, il décide d'aller... prendre un bain de minuit, il se snaille avec sa planète. Lui, il dit « Ah, oh, ben, fuck it, je me bats pour la paix pour la Terre. » Genre de changement. Mais là, de... il y a quelque chose que j'ai manqué. Les planètes, c'est comme des vaisseaux spatiaux? Ben, je pense. Mais je suis pas sûr. Qu'est-ce qui se passe avec la gravité dans ça, me semble? Ça fuck ça des choses. Il y en a pas, OK? Dans les années... Il m'explique pas, mais ben... Dans les années 70, il y en a pas de gravité. là, attends une minute. Ouais, parce que moi, je verrais la Lune toute devenir fuckée juste à cause que ça passe. Là, il y a la fille qui capotait au début qui vient dropper un sous-marin dans l'eau avec son jet fusée. Fait qu'elle, elle chauffe des jets. Dans le fond, ils ont tout le monde. Tout le monde a une fusée, là. C'est le futur. Ben, oui, c'est le rétro-futur. Mais les hippies, eux autres, ils n'ont pas de fusée, là. Puis ils savent même pas que ça existe parce qu'ils capotent. Dans le fond, c'est comme des êtres primitifs, les hippies. C'est pas des vrais hippies. Ben, là. Pas juste ça, parce que les gars, après ça, la première affaire qu'ils font, c'est quand la fille, elle chauffe sa fusée, ils font une joke sexiste sur le fait que c'est une fille, puis elle s'est pas chauffée. Là, Ayata, il plonge avec... Parce Ayata, il était inconscient, mais là, il est revenu. Puis il plonge avec le sous-marin, puis il dit aux autres d'attaquer la bébite quand elle va faire surface avec les jets fusées. Fait que là, lui, il est rendu avec un sous-marin, puis il l'attaque en dessous de l'eau, puis là, la bébite, elle sort de l'eau, puis là, les fusées l'attaquent, puis tu t'inquiètes. Je peux juste dire qu'en ce moment, ça sonne fucking écœurant. C'est épique, là. Honnêtement, là. L'écriture est vraiment poche. On dirait un mix des Sentinelles de l'air puis Godzilla. J'ai encore plus le goût de le voir avec ça. Yeah, ouais, c'est tu aides pas la cause de pas aimer. Là. Thunderbirds, Godzilla, non, non, Power Rangers. C'est vraiment ça, les angles de caméra sont malades. Là, il y a une scène de bataille poche de vaisseau pour finir avec le sous-marin dans la gueule de Bémulard. Fait que là, t'as un fake Godzilla qui sort avec un sous-marin dans la bouche. Puis le sous-marin, il revole après que les jets, ils tirent sur le monstre. Puis là, Hayata, là, soudainement, il pisse le sang du front. Mais tu sais, il pisse le sang, là. Il a la face. Solide, là. Tu sais, c'était quoi le film d'horreur que la fille... Tokyo Gore Police? Non, non. Donc, il pisse le sang, man. Non, c'est pas Carrie. C'est Carrie qui s'est pitié? Ouais, c'est Carrie, le sang de cochon. Le ouais. sang de cochon, gars, il y a du sang en face comme ça. Ah, Chris, ouais. T'as tous les genres de hippies cool qui risent parce qu'ils ont fait le tour à la danse. Ou... Puis là, Hayata, il est pogné dans son vaisseau. Puis là, il est tout fucké, puis il bouge pas. Puis là, il ouvre la porte, puis il sort dehors. Puis là, il sort la capsule bêta que le alien lui a donnée pour qu'il se transforme en Ulu-Turaman. Ulu-Turaman! J'aimerais ça noter que ceci, c'est l'émission numéro 1. On a toute une saison. Ça, là, c'est 25 minutes. Il y en a 33 15, autres épisodes. Une saison? Non, je pense qu'il y en a plusieurs. Ils ont fait plein de spin-offs. L'épisode de 25 minutes trouve le moyen de faire un récapitulatif. Dans le premier épisode, ils font un recap. Après la publicité. Hey, ils font un recap. Non, mais c'est après la publicité. Ouais, mais c'était écœurant. Les coupeurs. Fait d'hiver sur la pochette, ouais, ça je n'ai pas parlé. C'était sur 1 heure sa télé japonaise de show de 25 minutes. Fait que là, le gars il se transforme en Ultraman. Là, il a de l'air d'avoir un saut de Ultraman ou Ulu-Turaman. Excuse, Ulu-Turaman. Ok, ouais. Il a vraiment de l'air d'avoir un saut de plongée. Je vais faire Mel le dire, elle dit super bien. Mel, elle va le dire à partir de maintenant. Ok. Le gars, là, il a un saut de plongeur. Tu vois le zipper dans le dos, là. Puis il y a une genre de flashlight sur le chest. Puis il est peinturé rouge, puis ça a l'air d'être fait au rouleau. Puis il se bat vraiment mal, OK? Il se bat contre le Bémulard, là, le faux Godzilla. Mais c'est vraiment pas... C'est qui se bat avec le Bémulard? Ulu-Turaman. OK, yes. Drait ça. Puis là, après ça, les chorégraphies de combat sont juste tordantes tellement c'est n'importe quoi. Honnêtement, je suis sûr, ils ont juste parti à la caméra, puis ils ont fait... OK, guys, tapez-vous ça à elle. Let's go, on a rien chorégraphié. Là, Bémulard crève en électricité dans l'eau et redevient une planète, puis... Ulu-Turaman. C'est ça. Fait un genre de kata qui tire des lasers sur la planète, puis elle explose. Il fait des kata sur la planète. Non, il fait un kata, là. Puis là, son kata, il fait des lasers. Okay, puis la planète, elle explose. J'étais là, j'ai écouté, là. Je me suis pas là... du bout des kata sur la planète, là. Moi, là, il y a... Ulu-Turaman. Qui s'envole. Puis Hayata, il revient tout relax. Puis il explique que l'alien l'a sauvé, puis il le nomme... Ulu-Turaman. Puis là, c'est la fin, puis les sentinelles de l'air retournent dans leur domaine. Puis là, il y a un générique. Mais moi, j'adore l'idée que c'est des fucking planètes qui se font shooter avec des lasers. Man, premièrement, là... Comme aucune sont comme, écoute, on peut faire un show qui a des planètes qui se promènent puis qui se chase, là. On peut-tu aller épique, là? Non, mais écoute, ils ont tellement... Il y avait tellement d'ambition, puis ils ont tellement pas travaillé sur le scénario. C'est écœurant. C'est un bijou, là, parce que ça a tellement pas rapport, puis c'est tellement fait à la botch. Pis ça a été culte, là. Hey, Ultraman, il y a un paquet de monde qui connaissent ça. C'est encore culte, là. C'est encore super culte. C'est le Power Ranger quoi, de nos parents, là. Dans, mais dans c'est un drette, sens, ça. Mais je l'ai plein, parce que Power Ranger, c'était bon, me semble, quand j'étais jeune. Ben, réécoute la saison 1. Je te dirais, moi, je vois les nouveaux avec mes kids, là, à cette heure, là. Puis c'est beaucoup mieux monté que quand je revois les vieux, ouais, mettons, à Télétoon rétro. Là. Est-ce que t'es en train de reprocher puis... Saban? Saban, non. Saban, qui avait fait la première. Oui. J'ai rien contre Saban, là, mais en tout cas, c'était cheap. Là, moi, Saban, j'avais toujours l'impression que c'était un super producteur là, qui faisait de la poudre là, à Hollywood. Là. Parce que là, il a eu une bonne idée. Il a acheté une bonne franchise. Hey, mais... Je dis juste de même pour les Power Rangers, là, sur Internet, il y a le site web de That Guy With Glasses, là. Il a refait des recaps de toutes les saisons quasiment de Power Ranger en genre 45 minutes la vidéo qui recap toute la saison assez détaillée, s'il vous plaît, là, je te dirais, là. Puis c'est nice, c'est vraiment... Mais le pire, c'est que moi, ça. Je les écoute en Sentai, puis... Mais le pire, c'est que t'enlèves toutes les scènes de combat, ouais. Puis c'est 45 minutes de dialogue. Ben, en anglais, oui, mais la version originale, c'était quand même cool. Chose. Ouais, mais c'est original, c'est en anglais. Quand ils te montrent la version originale, ouais, mais c'est tout du footage qui vient du Japon. Ben oui, les scènes de combat, ils le faisaient faire ailleurs. Fait que c'est pour ça que le montage devait vraiment cheap dans le. Mais je pense que c'est là qu'il voulait. Dans saison c'était un peu ça qu'il voulait aussi. Ouais. Fait qu'en gros, Ultraman, si vous aimez Godzilla contre Godzilla de l'espace, les films de costumes bizarres fuckés, ou les. Il y avait un clip de Devo, je pense, qui se déguisait en Godzilla, si je me trompe pas. Whip It Good, non, c'est juste un casque bizarre. Mais non, c'était une affaire parce que ça avait passé à Monster. Des chiennes de travail rouge. En tout cas. Ultraman, en passant, il paraît bien en crise. Il est photogénique. Il était écœurant. Ouais. Il est vraiment. Ce qui m'amène à remettre mon défi de cette semaine. Oh! Donc, cette semaine, écoute, mon élu, ou ça peut-tu être mon Nick, élu, ça peut pas être Nick, parce que l'invité... Faudrait forcer à revenir chez forcer eux, à revenir, nous accueillir, puis nous fournir de la bière. Puis de... Les olives. Ce qu'on va faire, c'est cette semaine, j'ai choisi de pogner Eric. Yes, moi j'adore ça. Eric, je vis pour la manette d'or. Là, ce que je vais faire, je vais enlever les écouteurs, puis je vais mettre un produit dans ma main gauche, puis un produit dans ma main droite, puis tu vas sélectionner. Parce que j'avais deux choix, puis je veux que tu piges. On va laisser ça au savoir, hasard. C'est quoi que je pige? Oui, tu vas savoir après. Je vais te montrer les deux après. La pige, ça fait au hasard. Bon. Bon, André fouille. Moi, je vais décrire la scène. André présentement fouille dans Mel son sac. Mel la regarde. Mel la regarde attentivement. Mel, étrangement, c'est deux choix. Qui appartiennent à l'invité. C'est deux films de Nick. C'est pour ça qu'il y a deux trous sur le mur juste en arrière. En fait, il y en a un qui est avec moi depuis un bout. Rick, quelle main choisis-tu? Je suis gaucher, fait que je vais choisir la main droite. Oh! Oh, il y a deux droites. Ah! Oh! Ok, non, je vais choisir la main too gauche. Too late, c'est la main droite. Oh, fuck. Donc, là, tu regrettes ton choix. Hein, ouais. Là, on va poser des questions pour savoir. Rick, oui, j'écoute. Si je te dis John Landis. Oui, ben, c'est John Landis, man. Ok. Dans quoi qu'il jouait? John Landis, c'est le réalisateur. OK. Nomme des films de John Landis. John Landis, fuck, là j'ai des blancs de noir de brosse. Là. Hein? Ouais, il a réalisé Thriller, t'as raison. Il a fait aussi... Blues. C'est pas lui qui a fait Blues Brothers. Blues Brothers. Attends une seconde, John Landis, c'est pas lui qui a fait Little Weapon? Non, hein? Non, je... American Werewolf. American Werewolf. On mentionne sur les internets... Ah, attends une seconde, John Landis, c'est... Ah, oh, ben oui! Attends une seconde. Ben, il a fait Animal House aussi, Coming d'abord. Animal House, c'est un de ses premiers. Non, pas fait ça. Animal House 78, avec ouais, avec Animal Eddie House. Murphy, avec Eddie Murphy. Murphy Coming to America. Coming to America. OK, ben là. Okay. OK, là, je suis déjà excité. Fait que là, t'es déjà excité, OK? Ouais, mais là, il a fait un navet. Ce que tu vas écouter, c'est pas John Landis. Ça s'appelle Schlock, le tueur à la banane. What the fuck? OK, en gros, Schlock, c'est un... Attends une seconde. OK, lis la description. Fait que from director John Landis. Moi, ma question, c'est, est-ce que c'était après ses succès qu'ils ont décidé de montrer non, ça? Non, c'est pas aussi. Mal avant. Non, mais c'est ça, il a réalisé ça avant ses succès. Oh oui. Fait que ça a sorti après, puis ils ont dit from director John Landis. C'est ça qui a starté. OK, Schlock, S-C-H, c'est un... OK, en tout cas. A monster comedy about an ape man... who goes bananas until he falls in love with a beautiful blind girl who thinks he's a dog. Parce que la fille, elle aime les animaux, c'est ça? Wow. Fait que la fille est aveugle, elle tripe ses chiens, puis c'est un gorille qui tombe en amour avec elle. Mais tu vois que c'est un gars dans un costume, c'est vraiment... J'adore ça. The outrageous debut feature from the director of Kentucky Fried Movie, Animal House, and un classique d'Eddie Murphy, Trading Places. Oh. Meet Schlocktropus. A prehistoric ape man on a grisly suburban rampage of murder, mayhem, and banana peels. Je vais avoir un accent anglais. But when the mad missing link falls in love with a beautiful blind girl, he learns some cruel lessons about evolution, romance, and movie theaters. Je peux te faire remarquer un détail que je viens de voir sur IMDb. Ça dit que le film il était fait en 73. Mais qui n'a jamais été sorti avant 1982. Mais c'est-tu peut-être un film d'étudiant? C'est quand même 9 ans de temps que le film est fait. Écoute, puis qu'il a pris avant de le sortir. C'est un chef-d'œuvre. Il mange du gâteau. Il joue au piano. Il boit du lait, il joue du piano. Mais moi, j'ai l'honneur d'écouter ça. Puis t'as l'honneur d'écouter ça. Puis écoute, le runner-up, on va te le présenter. J'adore le movie poster dans le DVD. Ah, c'est écœurant, là. Puis Schlock, honnêtement. C'est le genre de film que j'ai déjà écouté sur une date. Ça a-tu bien été, ta date? Ah, pas rappelé. Elle n'a pas rappelé, non? Mais c'est pas grave! Là, je m'excuse, mais on va entendre l'histoire. Fait que là, c'est, tu l'avais invité chez vous? Non, en fait, je suis allé chez eux, puis elle m'a dit « Amène des films, j'ai dit j'ai rien. » T'as apporté Schlock. Nick m'avait passé Schlock. Schlock était dans le char, fait que je suis arrivé là-bas, puis j'ai dit « Ben, gars, j'ai une bouteille de vin, puis j'ai Schlock. » Peut-être que je vais avoir de la Schlock. Fait que on a écouté Schlock. Puis c'est ça. Ça finit là, j'ai plus jamais parlé. Ça me rappelle. Aussi aurait été bon, par exemple. C'est aussi ça, c'est bad là. Moi j'ai déjà fait des bad moves comme ça, mais celui-là il est bad. Ben écoute, je pense que c'était un harakiri social. Mais non, mais tu vas écouter ça, tu vas avoir du fun. Moi je l'ai écouté avec ma femme, le divorce va venir. Puis ce que je vais te présenter aussi, c'est qu'on y passe le deuxième ben aussi, oui, mec. Ben oui, capable. On va te passer le deuxième choix qui est. Qui est pas obligé. Rowdy Rator. C'est indien, ça, hein? Rowdy Rator, qui est indien. Rowdy Rator est un super héros d'action. Il est vraiment badass. Peux-tu dire la première chose? Tu peux dire la première chose. C'est fucking 142 minutes de long. Oh oui! Oh oui! Mais honnêtement... Ça, c'est la première affaire que je remarque. C'est-tu sur deux DVD? Les gens qui écoutent en simultané... J'espère que vous avez déjà checké le trailer de Rowdy Rator. Puis les gens qui écoutent en download, ben j'espère que vous faites la même affaire. Parce que Rowdy Rator, R-O-W-D-Y, hey, Rator. C'est récent, ça, là. C'est très récent. Et c'est mastered from high definition. Écoute, j'ai acheté ça dans... Il y a un gars qui vend des films Bollywood dans une épicerie dans petit stand. Puis je suis allé voir, j'étais sur Rowdy Rator. Attends, il y a une petite stand? Ouais, une petite stand. Ouais, ici, ouais. Pas trop loin de la petite Italie. Puis il m'a dit non, il dit je vais te le commander, puis aussitôt que je l'ai, je t'appelle. Puis je dis ok, cool, j'arrive chez nous, à 10h le soir, téléphone sonne, ok, j'ai reçu ton film, le même soir. Là. Fait qu'il l'a burné dans son magasin. Je sais pas, mais... Ça, c'est... Le gars... Ça, c'est du bootleg. Il diffuse des films de Bollywood, depuis 1975, qui est à Montréal. Wow. Il est comme un des premiers à avoir amené des films, puis il en faisait passer dans les cinémas. Mais Bollywood, moi, honnêtement, là, c'est comme le Hong Kong des années 70. Ouais. Moi, en ce moment, je trouve. Puis ils sont forts, Bollywood. Non, Bollywood, ils sont forts en tabarnak. Puis ils don't give a fuck en plus de qu'est-ce qu'ils font. Il y a du budget, là. C'est pas du série B. Attends que tu vois les scènes de combat de Rowdy Rator. Rowdy Rator, c'est une brute. Fait que ça se peut que je peux. En tout cas. Bah, en tout cas, gars, honnêtement. Choisis celui comme que tu veux. Comme le top select de New Delhi. Puis fais-nous une critique de Manette Dorée dans le prochain épisode de celui que tu veux. OK. Moi, je sais que je vais les écouter les deux. C'est sûr. J'espère que tu vas les écouter les deux. Regarde, c'est un succès assuré. Donc, mesdames et messieurs, c'était l'épisode 5 du collectif. Nick, merci de t'être joindre à nous. Ça fait plaisir. En souhaitant que l'expérience n'était pas trop pénible. Non, c'est très cool. Excellent. Fait qu'on revient chez vous quand on veut. Ben oui. Okay. Vous m'appelez quand vous avez un sujet qui m'intéresse. C'est-à-dire, pas tant d'affaires que ça, à part les zombies puis le groupe Tazar. C'est mes deux seules passions. Bon, ben on essaiera de t'inviter Patrick Lafrance chez vous de bord. Non, mais sans joke, non. Pas, puis je recommencerai ça anytime. Perfect, ça. T'as-tu un mot de la fin que tu voudrais partager avec les internets? C'était pas mal ça. C'était pas mal ça. C'était pas mal ça. Donc, merci Nick, Mélanie, Milter, Eric. Merci. Ben, pas de trouble. Merci à tout le monde d'avoir fait partie de cette épisode. Merci à les quatre dans le show. J'aime ça. Qui, ben ouais, merci aux fidèles qui nous écoutaient en direct ce soir. J'espère qu'on a été à la hauteur de vos attentes. Et j'espère que vos attentes étaient très basses. Donc, mon nom, c'est André Paquette. Vous pouvez me suivre sur Twitter via le Uzumaki QC. At Zombie Milter, ça s'écrit un mot, puis ça s'écrit comme ça se dit. Puis tu vas sûrement me voir de toute façon. Je suis rendu spécialiste en réseaux sociaux, fait que je suis partout. Partout. At Montréalien. Excellent. At La Grande Geek, geek avec 2-3 à place de 2. 2-3 ou 3-3? 3-3. OK. Donc, La Grande Guy G33K. Yeah, man. Excellent. C'est cool. Puis, ouais, mon petit Nick. Add Johnny Tabarnak, en un mot, Tabarnak avec un K. Excellent. Donc, suivez-nous via le Geek Collectif, le podcast sur Facebook. On est sur le Twitter, A Commercial Geek Collectif. Merci d'avoir téléchargé l'épisode et envoyez-nous vos commentaires via courriel à podcast geekcollectif.com ou sinon tout simplement via un message sur la page Facebook. On reçoit les commentaires par email. Présentement, on ne l'a jamais demandé, donc je suis curieux de voir au prochain épisode si on va avoir des commentaires. On l'avait déjà demandé? Ouais. Ben, on n'a pas reçu à date. On ne suivait pas. En souhaitant qu'on en ait une coupe. Donc, merci à tous. Puis, passez une bonne soirée. Ciao. Merci. Ou journée, c'est selon.